Merci pour cette soirée encore avec vous. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Love in Fun, à commenter tout ce qui s'est passé là pendant l'émission. Vous pouvez aussi envoyer vos coordonnées directement sur le mail de Love in Fun, loveinfun@funradio.fr. Comme ça, on vous envoie des stickers, vous les collez, et puis il y aura des petits cadeaux à gagner. Là, maintenant, vous allez retrouver Mickaël, comme tous les soirs. Et oui, on est là. Mais comment ça va? Écoute, encore une grosse soirée avec tous les auditeurs. Là, on a parlé d'un truc sympa. Est-ce que dans l'équipe, il y a Sandro qui pourrait peut-être répondre à cette question? Je sais pas. On parlait. De gros seins? Non, on parlait d'avaler. Ah oui, mais tu peux poser la question à Toff par contre. On avait. Ah, je ne savais pas. Ah, mais il est recto verso, t'inquiète moi, pas. Je m'auto-avale également. Oh, là, c'est pas le doc que tu veux aller voir, c'est un psy. Je suis sûr que le doc trouvera trace ça. Ce sont des porcs. Tu t'auto-avales. Ouais. Tu t'auto-fellation et t'auto-avales. Non, parce que ça, je suis pas assez souple. Ah, d'accord. Mais je peux m'essuyer les doigts, quoi. Non, mais oh, dégueulasse, c'était vraiment un porc. Il est auto-nettoyant. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Il est auto-dégueulasse, surtout. Oh, ça, merde, c'est sûr. Enfin, est-ce que le doc a un conseil pour moi? J'ai nouveau une extinction de voix qui arrive là. Ah oui, bah t'es comme moi. Ouais. Non mais non, mais parce que le doc en fait quand il a une extinction de voix, il a une voix normale. Oui, mais ça va bien. J'ai quand même une grosse voix. Alors que moi, tu vois, ça part comme ça, tu vois. Du miel. Du miel. Ah, mais j'ai cher d'en acheter, oui. Mais quel os. Mais le doc a des pilules, tu vas voir. Des pilules. Ah parfait. Tout bleu, tu magnifique. Comprends. Ça, ouais. Ça va te donner un braquemar. Ouais. Ça va aussi te donner la gaule, ouais. Parfait. Il en consomme pendant toute l'émission, le doc. Tranquille. C'est ça. Avec toi le doc. Ouais, bien sûr. Ouais. Fais des échanges, on leur pète la gueule. Exactement. Faites des échanges de pilules entre vous, hein, n'hésitez pas avec Colo. Ouais. Bon. J'ai pas besoin de pilules moi. Bon bah bonne soirée tout le monde. Bisous à demain. Et là on est parti jusqu'à 2h du mat sur Fun. Ciao. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et j'ai de nouveau cette voix qui se barre. C'est un truc de fou quand même. Ah, pauvre chouchou. Ah, mais oui. C'est un truc exceptionnel, regarde, c'est une galère. Bah oui, mais c'est à force de rouler avec le toit ouvert, ça. Mais arrête, même pas, figure-toi. C'est, voilà, je sais pas, j'ai de nouveau la voix qui se barre. Bah bon, si vous avez des solutions, bon, le miel, j'ai essayé, effectivement. Hein, le stagiaire a été un pot de miel, le pire, il est dégueulasse. Oh là là, non, mais j'aime pas le miel déjà à la base, mais alors celui-là, il est quand même bien dégueulasse. Et le pot de miel le plus cher de Paris, hein, 5 euros. Non. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Toff qui me l'a offert. Ah bah, de bon cœur. Non, bah oui, alors, je suis pas du tout défisté dans cette affaire. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Là, bah, je suis content de vous retrouver ce soir. Hein. Je sais pas jusqu'à quelle heure, mais en tout cas, moi, je suis là pour l'instant. On dirait que pas de problème, la voix est là, tout va bien. Donc, pour les nouveaux qui viennent de découvrir ce soir, bah, déjà, soyez les bienvenus. Moi, c'est Mickaël. Je suis avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et puis le dimanche également de 20h à minuit. Si vous voulez passer à l'antenne, eh bien, pour délirer, par exemple, n'hésitez pas. Vous appelez le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Comme Corentin qui est déjà avec nous là. Comment ça va Corentin? Ça va et toi? Bonjour, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à toi bonsoir. Corentin. Bon, alors, passez une bonne journée. Ah bah nickel et vous? Ah bah écoute, plutôt bien, plutôt bonne la journée là, tranquillement, ça s'est bien passé. T'as fait quoi de beau? Bah là tu vois, je reviens du bar, je suis parti voir Paris-Benfica, tu vois. Ah, et Paris a gagné avec le même nombre que Marseille a perdu. Pareil que Marseille hier, sauf que Marseille ils l'ont fait dans le mauvais sens. Voilà, c'est ça. Ouais. Paris, capitale du monde. D'ailleurs on demandera l'avis de Mehdi qu'on a eu hier soir, le Marseillais. On lui demandera son avis sur le match de Paris ce soir. Je suis sûr qu'il sera ravi. Oh, c'est très très certainement très ravi effectivement. Bon, Sandro qui est déjà débordé par vos appels, hein, 01 42 48 5000 02 851 4x0, continuez entre à faire sonner le standard bien sûr. Et de bonbons, elle est débordée. Ah ouais parce qu'elle a des bonbons. Sympa. Alors c'est bien parce qu'on lui ramène des bonbons. Non merci. J'en veux pas, j'ai arrêté ton cinéma dans 30 secondes, tu vas y aller. Ça a pas duré 10 secondes que déjà l'en bouffait. Ouais. Ah, ils sont bons. Mais de toute façon, je m'en fous, j'ai pas de mec, alors je peux grossir. Bah, c'est vrai. Mais oui, mais bah, non, c'est ça. Mais non, c'est l'inverse. Très motivé quand j'en ai rien. D'ailleurs, si vous voulez voir les boobs de Sandro, ils sont. Alors, on voit le décolleté hein, sur le Facebook de l'émission. facebook.com/Mickaël officiel. Allez voir, hein, je vous ai mis la photo. On voit Polo, hein, on voit quand même un gars bizarre comme ça dans le fond. Donc, boobs Sandro qui est disponible pour aller voir ça. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, faites tourner. T'as vu la photo ou pas, toi, Corentin? Non, faudrait que j'aille voir. Faut que t'ailles voir. Mais vas-y, avant d'aller dormir. Vas-y, avant d'aller dormir. T'inquiète pas. Voilà, c'est mieux quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, et puis on a. franchement. Bah oui, oui, non, après tu fais comme tu veux. Hein. Et puis on a également Tov qui est là également en pleine forme, hein, évidemment, oui. Qui va devenir le spécialiste en insultes. Allez vous faire foutre. Exactement, hein, voilà. Vous vous faites chier. Voilà, bon, bref, un florilège, quoi, hein, qui est toujours là en pleine forme, n'est-ce pas? Oui, toujours. Parfait. Et Pipolo qui continue évidemment de nous faire rêver avec son pipeau, bien entendu. Ce grand talent. Grand talent du pipeau, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Ah, qu'est-ce qu'il est fort, merci, effectivement. Merci. Et si vous êtes sur Twitter, est-ce que t'es sur Twitter, toi, Corentin? Ah, non. Ah, et ben voilà, bon, bah tant pis, tu pourras pas être top tweetos ce soir. Et ben vous allez pouvoir justement essayer de devenir top tweetos si vous êtes sur Twitter. Pour y arriver, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Alors hier, c'était de nouveau les D-B-Freaks. Avant-hier, c'était pas elle qui a terminé première. Donc, si vous voulez tenter d'être premier, voilà, c'est ça, d'être numéro 1. Eh ben, n'hésitez pas, ça bouge beaucoup dans le top 5 pour le moment. Donc, allez-y, hashtag MIKL sur Twitter. Venez donc faire péter votre nom en numéro 1. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Ce soir, je vous cale. Alors, est-ce que t'as des sons particuliers, un son particulier que t'aimes bien, Corentin? Bouya. Ah, Bouya! Bon, on se mettra peut-être tout à l'heure. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Bouya de Chotek, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Alors, putain, tu sais que je l'avais tous les jours sous la main, figure. Ah, il a celui-là. Celui-là, hein? Ah, ben on se mettra tout à l'heure, Chotek avec Bouya. Voilà, et puis sinon, je vous ai calé aussi le son de Britney Spears. T'aimes bien Britney ou pas, toi, mon Corentin? Ouais, elle est sympa, mais j'ai pas encore été voir le clip, ça devrait être sympa. Ah oui, oui, le clip est très sympa. Il y a le décolleté. Okay. Ah, le clip est très sympa, je te confirme, effectivement. Ouais. Et puis on aura aussi le son et un morceau que vous demandez assez souvent, la DVBBS. Avec Tsunami. Tu connais? Oui, je les écoute tous les soirs, donc forcément. Ah, bah voilà, alors très bien. DVBBS avec Tsunami. Et puis un son que j'aime beaucoup qui vient de LA, c'est Capital Cities. Avec Safe and Sounds. Et un son que vous avez découvert dans l'Eurodance 25 d'ailleurs, hein, tous les week-ends. Loupez pas le rancard, les 25 meilleurs titres, les plus joués dans les clubs en Europe, en fait, tout simplement. L'Eurodance 25, voilà. Bon, Corentin, alors, il y a aussi des cadeaux à gagner, hein, bien sûr. Il y a des casques focales qu'on aura l'occasion de vous offrir. On aura des PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls. Et attention également, alors évidemment, c'est reparti sur Facebook. Ah ben, comme par hasard, ils ont pas offert le club de golf, hein, comme par hasard. Bon, le club de golf GTA 5, on en a un en exclu, c'est-à-dire, c'est une version collector qui ne se trouve pas dans le commerce, ouais. Ça vaut plus de $200 et on voulait vous l'offrir hier soir. On a appelé quelqu'un, ça n'a pas décroché et c'est pas comme par hasard, ça n'a pas décroché parce que peut-être que le gars dormait, j'en sais rien. Et donc du coup on le remet en jeu ce soir. Et ce soir on essaiera d'appeler quelqu'un plus tôt et on essaiera d'appeler jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc quand vous voyez vos messages privés sur votre Facebook de quelqu'un, en l'occurrence Tov, qui vous demande votre numéro de téléphone, laissez-le. Tov va pas vous appeler pour vous draguer. Enfin, si, peut-être, mais aussi pour vous offrir le club de golf. Après, donc, d'abord, je prends le numéro de téléphone. Voilà, donc méfiez-vous. Si vous voulez gagner le club de golf, vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon, Corentin, parlons de choses sérieuses. Tu nous appelles pourquoi? Alors, moi, je vous appelle par rapport à mon nom de famille. Que se passe-t-il avec le nom de famille? Je m'appelle Monsieur Labitte. Non, peut-être pas quand même, mais... On sait jamais. On peut toujours essayer. Bon, tu t'appelles comment? Je m'appelle Tronche. Ah oui, quand même. Voilà. Stop, c'est mal, on ne se moque pas. Voilà, de toute façon, je le savais que t'as... Attends, on n'est pas comme ça. Tu t'appelles Tronche? Tronche, ouais. Ah putain, ah ouais, mais c'est quand même scandaleux, ça. Oui, franchement, c'est là, mais jamais fait. Ah ouais, mais la tronche c'est quand même dur, hein. J'ai mal à la tronche. En plus, si t'es chum, tu dois trancher. Écoute, tu sais, quand j'étais petit, je rentrais en pleurant des cours et tout, jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais le porter toute ma vie, donc maintenant. Et quand tu tronches une fille, ça te fait quelque chose ou pas? Ah, c'était pas mal ça. Oh, écoute, c'est une question, je m'inquiète. je pose des questions, quoi, je m'intéresse. Non, y a pas de. Généralement, y a pas de soucis là-dessus. Dites-nous si vous avez des noms un peu bizarres aussi. Enfin, nom de famille ou pas, même prénom, hein. Des prénoms un peu bizarres, vous avez du mal à le porter, vous avez envie de changer par exemple. Je m'appelle Polo le cul. Oui. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, il faut dire des choses. Ouais. Voilà, donc par contre, ne le recherchez pas sur Facebook, après ça va l'énerver. Il a son compte personnel, mais c'est son compte personnel. C'est cul avec un K. Bien sûr. Voilà, exactement. Donc, si vous avez aussi Sandro, son de famille, c'est un prénom, alors forcément c'est compliqué. Donc, mais ça va encore. Ça va, il y a pire. Il y a pire, mais c'est pas terrible. Hein. Moi, j'aime pas. En fait, elle s'appelle Sandra Rémy. Donc. J'ai pas choisi. C'est un prénom, quoi. Ouais, ouais, bah ça va encore, mais c'est pour ça, ça va encore. Ça va encore. Exactement. Bon, et donc du coup, les autres, dites-nous, tiens, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On a Vincenzo également, reste avec nous, Corentin. Vincenzo qui est avec nous là pour la colle. Bonsoir, Vincenzo. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bah tranquille, ouais, t'appelles de Lorraine, toi, de Wurzwiller, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, Vincenzo, toi, t'as pas de problème avec ton prénom? Non, il me convient. Bon, bah, très bien alors. Bon, bah la colle, c'est parti. Tu vas peut-être repartir avec une PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Pour ça, il faut répondre correctement à la question de Vincenzo. Si personne trouve la bonne réponse, c'est lui qui gagne. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh ben, c'est vous qui gagnez si vous êtes tiré au sort, évidemment, et que vous passez à l'antenne. Vincenzo, on t'écoute. Donc, c'est trois nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Alors, l'ordre, c'est trois... il est important. Ouais, c'est trois nains qui vont à la mine, le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche, et qu'est-ce qui prend le troisième, c'est ça? Voilà. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant, vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique pour gagner votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, un jeu évidemment qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on vous offre en... Exclusivité. Et voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Je répète la petite question là, de la petite colle de Vincenzo. C'est trois nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le second prend une pioche et le troisième, bah, qu'est-ce qu'il prend le troisième justement? Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. J'ai bien résumé, Vincenzo? Ouais. C'est très important l'ordre dans lequel, dans laquelle la question est posée. Ah bon? Donc c'est trois nains qui vont à la mine. Ouais. Faut bien penser à la mine. Le trois nains qui vont à la mine. T'es sûr que t'es pas en train d'envoyer des gens dans un cul-de-sac, hein? Non, non, pas du tout. T'es sûr, hein? Je te fais confiance, hein? Oui, oui. Bon, très bien. Bon, c'est trois nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le second prend une pioche. Que prend le troisième? Donc voilà, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer et surtout lire l'énoncé sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. C'est maintenant. Vincenzo, on te récupère dans quelques instants, d'accord? Ça marche. Parfait. On va également jouer au Je t'emmerde ce soir. Corentin, tu connais le jeu du Je t'emmerde? Va falloir que tu me rappelles lequel c'est, parce que j'en avais tellement que... Ah bah oui, bah justement, alors Je t'emmerde, c'est ça. Je t'emmerde. Yo. Exactement, le jeu du Je t'emmerde est très très simple. C'est en gros, il y a deux auditeurs qui viennent s'affronter à l'antenne. Et le but évidemment c'est de placer un... Donc on appelle des gens au hasard. Et le but c'est de placer un maximum de Je t'emmerde en un minimum de temps. Voilà, tout simplement. Ah, oui, celui oui, qui arrive à faire le meilleur score repart avec le cadeau. Ce soir, je vous offre des casques focales d'une valeur de 200 euros. Donc, c'est quand même pas un cadeau de merde, justement. Ah, non, c'est clair. Attention, et en plus, les casques, pour le coup, vont super bien en termes de son. Vous allez être surpris, vous verrez. Donc, si vous voulez jouer, vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, retour avec Corentin. Et en fait, il s'appelle Tronche. C'est son nom de famille, c'est ça? Voilà, exactement. Oh, merde, alors. Non, mais on rigole. Bah, on rigole, non, on rigole, mais C'est bon enfant, hein. Bah exactement, de toute façon je suis pas seul à porter un nom de merde, hein, donc non, si. Non, non, c'est vrai. Non, il y a pire. Pas m'enfoncer non plus. Non, il y a pire. Il peut y avoir bien pire. Ouais, bon, il y a un message, il y a Mickaël qui dit moi mon nom c'est Roi. Ouais, mais avec un grec, Mickaël, alors t'embelle pas non plus. Hein. Bon, Roi, ça va encore, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, Roi, ça te met en valeur. Entre Roi et Tronche, tu vois. Il y a... Non, mais c'est vrai. Il y a Kylian sur le Twitter qui dit le nom de famille de mon meilleur ami, c'est G-A-Y, et je suis homo, pas mal, hein, c'est ouais. Il y a Kawette aussi qui dit je veux la chanson de l'enculé, please, je l'ai eu dans la tête toute l'après-midi. Ah, ça, c'est le générique de fin, il va falloir attendre la fin d'émission avant de les mettre. Il y a Céléo qui dit au travail, un client avec comme nom de famille Parmentier. C'est pas mal aussi. Il y a Yann qui dit soirée de fou, demain gueule de bois, drôle de tronche. Ah, ça y est, bah c'est oui, parti, là, ils vont se lâcher. C'est nous qui dit. C'est nous qui dit, t'as pas de chance, c'est sûr. Tony qui dit, oh, chaud de s'appeler comme ça, tronche mort de rire. Crazy Moff aussi qui dit, purée, pauvre mec avec son nom de famille là. Ouais, ça va, c'est pas non plus la mort quoi. Kawel qui dit, polo le cul, lol. Et on se moque pas. Ouais, c'est ça, faut pas se moquer, c'est mal. Le prince, il y en a qui dit, si le nom est vraiment ridicule ou dur à porter, on peut toujours le changer à la mairie. Oui, c'est ça, au ouais, final, tu non, peux toujours aller le changer. Ça coûte cher de porter mon nom. Alors, ah bah ouais, mais non, mais voilà, après, tu peux toujours tenter en tout cas de le changer, quoi. Oui, oui. Bah voilà, c'est ça. Bon. Et Jonathan qui dit, vous êtes trop la classe, je me marre bien, c'est gentil. Et puis Mathilde qui dit, c'est moi que vous avez appelé hier pour le club de golf, je peux pas avoir une chance si je donne le numéro de mes parents. Si, tu peux avoir une chance et tu te réinscris. Ouais. Et si jamais t'es retiré au sort, bah là évidemment t'auras ta chance. Sinon évidemment là il fallait décrocher hier. Marjorie qui dit j'ai de la famille proche qui s'appelle Mort, M-O-H-R. Chacun son nom bizarre. Oh putain, ah, t'imagines Mort. Ah, ouais. Oh putain, ah, ouais. L'angoisse. Tu commences mal dans la vie quoi. Grave, grave. Le plus gros c'est Monsieur Mort est décédé. C'est vrai. Bon, Corentin, reste avec nous, Monsieur Tronche. Oui, merci. Bon bah bouge pas de là, on va se faire le je t'emmerde aussi dans un instant. Et puis bah venez nous appeler hein. Donc si vous voulez réagir, si vous connaissez des gens qui ont un nom bizarre, si vous pensez également que vous avez un nom bizarre et vous le vivez mal, vous voudriez bien le changer, on se fout de votre gueule, qu'est-ce qu'on vous dit, etc., etc. Prenez le contrôle de Fun Radio, prenez le contrôle de l'émission 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Corentin, tu restes avec nous. On va parler également d'un truc très sympa juste après le son de Britney Spears avec Work Beach. C'est un truc qui s'appelle Hit 24. Hit 24. Je vous en dis pas plus. Je vous explique juste dans un instant. Ça te dit quelque chose ou quoi ou pas, Corentin? Hit 24. Ça me dit rien du tout. Ça te dit rien. Bah écoute, je t'explique. Mais ça dans un instant. Découvrir. Avec plaisir. Voilà. Juste après le son de Britney Spears avec Work Beach au cœur du Nord sans pub. Ça c'est la bonne nouvelle. Venez nous appeler. N'hésitez pas. Rejoignez-nous également sur le Facebook et le Twitter de plus en plus nombreux. Merci à vous en tout cas. Vous tapez MIKL officiel pour nous rejoindre et sur le Twitter si vous me faites un follow. Eh bien, je vous ferai un follow back par derrière. Uniquement pour les filles, bien sûr. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, bienvenue si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit tous les jours de la semaine, hein, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et puis tous les dimanches de 20h à minuit. Venez prendre le contrôle, passez le message autour de vous. On est 193 000, presque 194 000 sur le Facebook en 2 mois et une semaine. C'est plutôt pas mal, c'est bien. Vous faites passer le message, je savais que je pouvais compter sur vous. Alors hier et avant-hier, on a eu que des auditrices avec une moyenne de 90 C. Oui, c'était pas mal. J'ai attention, le chiffre était fixe. C'est la lettre était fixe, c'est le chiffre qui était en moyenne. Qui varie un petit peu. Entre 85 et 95 quoi. Mais on était bien hier. Avant-hier aussi. Hein. On était bien. Avant-hier, on était très très bien également. Donc on va voir ce soir comment ça va se passer. Alors, il y a aussi. Oui, il y a le nouveau calbut de Toff là sur le Facebook. Vous pouvez aller voir facebook.com/MIKL officiel. Il est bien. Ah ouais, c'est sexy. Je me suis trouvé très beau. Bon, par contre, vous emmerdez pas. Hein. Il a dû mettre un peu de PQ dans le fond parce que sinon ça allait pas tout droit. Hein. Allez pas jusqu'au bout, faut quand même pas décoller. Donc allez voir sur le Facebook, c'est le nouveau calbut de Toff. C'est sa grand-mère qui l'a fait. Qui l'a tricoté de ses petites mains. Ah bah elle a de l'humour en grand-mère. Hein. Non, c'est vrai. Et puis elle a pris des mauvaises mensurations. Oui, alors ben ça par contre oui, ça. Mais enfin bon, c'est toujours comme ça. C'est comme. Tu sais, en général, la mère trouve toujours son enfant le plus beau du monde. Hein. Bon, c'est les mères en général sont aveugles avec ce genre de choses. Mais qu'est-ce que tu veux. Donc allez voir, donnez vos avis. Hein. Facebook.com/MIKL officiel. Le nouveau calbut de Toff, donc hein, dites-nous si ce que vous en pensez, vous le trouvez beau ou pas. Il a été tricoté main, hein. Attention, une exclue totale, une pièce collector. Attends, comme le club de golf qu'on vous offre. Il y a un an de travail, hein. Quand même, hein, c'est vrai. Mais bien sûr, tu l'as vu toi ou pas, Corentin? J'ai mis la photo cet après-midi. Oui, j'ai vu la photo. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, hein. Bah ouais, il est pas mal, franchement. Ah, il est même plutôt bien, t'aimerais bien voir le même ou pas? Bah si tu me le donnes, pourquoi pas. Non mais c'est une pièce collector, je peux pas le donner. Bah oui, mais je sais bien, mais non franchement franchement c'est un bel objet de collection quoi. C'est ça. Et il a un petit inconvénient, comme il est en laine, il gratte un peu. Mais c'est un autre problème, hein. c'est un problème. Bon, de la collection ça se garde, c'est pas utilisé. Il y a Kawet qui dit il est drôle son calbut sur le Facebook là. Bah oui, il est drôle, évidemment qu'il est drôle. Bon bah du coup, donc allez voir facebook.com/MIKL officiel, donnez-nous vos avis bien sûr. Il y a des messages, il y a Candy qui dit bonsoir à tous, c'est cool cette émission, mon prénom m'énerve. Les gens ne me prennent pas au sérieux à cause de mon prénom. Même quand je vais à mon rendez-vous au Pôle emploi, on me chante toujours une chanson de dessin animé au pays de Candy, c'est lourd. Ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est pas non plus la folie quoi. C'est pas grave, Candy, non, ça va. Candy, ça va. Il y a quoi? Ah oui, tu voulais mettre de la musique? Bah oui, j'avais le générique. Ah merde, attends une seconde parce que tu m'as pris au dépourvu. Ah, je t'ai pris à sec. Ouais. Alors attends. Attends, parce que il faut savoir que le truc il est pas configuré comme il fallait. Hop là. Au pays de Candy, comme dans tout. Voilà, tu vois, au Pôle emploi, on te prend la tête, et ici aussi. Voilà, bienvenue Candy. Il y a des méchants et des gentils. Et vous savez, alors, voilà, c'est terminé. Alors, petite anecdote historique, dans la version japonaise, le petit prince est mort par un accident de voiture, on voit l'accident et tout, Et en France, ils ont trouvé ça trop choquant dans les longs. Ils l'ont enlevé. Ouais. Ils sont cons. Il y a Enzo Fasci aussi qui dit le PSG en top tweet. Non, mais j'y crois pas. Où est Mickaël? Ouais. Faisons le péter en top tweet. Paris. Oui, bah écoute, quand tu veux, Enzo, hein, pas de problème. Alors, moi, je demande rien. Si on l'est, hein, franchement, c'est plutôt bien. Et puis, si on l'est pas, c'est pas grave. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas vital non plus. Il y a Lucas qui dit aussi, j'ai attendu toute la journée pour entendre Mickaël et son équipe de dingue me faire rire toute une soirée. Voilà. Attends, où est-ce qu'il est? Oui, pas pour rien en tout cas. Oui, t'inquiète pas. Et Cyril qui dit salut l'équipe. Tof, trop sexy avec lequel but, hein. Ah ouais, tu vois, t'as des mecs qui sont contents, oui, Tof, c'est bien. C'est mais bien. Moi, je l'aime beaucoup. Bah j'aime écoute, beaucoup, je vois ça. Il y a Jennifer aussi qui est avec nous de Lyon, là. Comment ça va, Jennifer? Ça va bien. Est-ce que t'as vu lequel but de Tof, là? Il est cool ou pas? Non, je l'ai pas vu. Oh, mais il faut aller voir, facebook.com/Mickaël officiel. Est-ce que t'as liké la page déjà? Non, je vais y aller là. Dis donc, t'es sérieuse là avec ces conneries là? Hein, t'es sérieuse, Jennifer? Bah oui, non mais. Tu mérites un coup de pelle. Dis donc. Dans ta sale gueule. Non mais quand même, t'écoutes l'émission depuis combien de temps? Oh, mais ça fait des années. Et t'as pas été liké la page? Non, pas encore. Je vais pas souvent sur Facebook. Et non mais alors. Tu es pardonné si tu me likes moi. Ouais, super. Si tu me likes. Ouais, c'est ça. Mais d'accord, en vrai. Je likerai tout le monde. En vrai, bien sûr. Bon, Jennifer. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Tof là? Ah, tout de suite là, comme ça? Bah oui. Allez, Jennifer, combien mesures-tu? On va voir si tu es dans la moyenne d'hier. Je fais 95D. Non, de taille en fait. Ouais, enfin donc ça veut dire que le elle est au-dessus de la moyenne, mais combien mesures-tu? En fait, il n'y a que des seins. 1m50. Ah oui. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine 95D et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Ah oui. Ah merde. Il arrive. Oui, j'arrive Jennifer. Il arrive. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui Jennifer. Ah mais y a des belles filles à Lyon hein. Ah oui bah on l'a vu, t'inquiète pas, on l'a déjà été, t'inquiète pas. Mais je pense qu'à Nancy il a quand même encore un peu plus. Bah, mais moi personnellement pour avoir fait les deux j'ai préféré Nancy. Voilà en termes de nombre de jolies filles au mètre carré. Mais bon après il faut voir. Hein, c'était il y a quelques années, il faudrait qu'on refasse un petit tour. Voilà, il faut qu'on refasse un tour pour être sûr. Bon Jennifer, alors toi tu nous appelais par rapport au nom de famille, par rapport à Corentin, ouais. Qui est toujours avec nous Corentin hein. Ouais bien sûr que je suis toujours là. Bon, qu'est-ce que tu penses Corentin de Jennifer physiquement? Bah franchement ça va, mais bon après c'est vrai que par rapport à ma taille ça fait un peu petit quoi, parce que moi je suis grand donc... Pourquoi tu fais combien? 1m85. Mais t'es con là, la taille parfaite Corentin, il a rien compris lui. Mais oui. Bah oui mais c'est petit, après faut... Mais non, t'as rien compris Corentin, tu n'as rien compris. Réfléchis, 95. Mais oui mais sauf que moi j'ai pas les idées aussi tordues que vous. Comment c'est bon, arrête ton cinéma. Attends tu vas voir, je vais te les tordre, tu vas voir. Tiens, un coup de paix dans la gueule, tu vas voir, comme nous après c'est grave très bien. Un coup de lance-flamme aussi non? Si tu veux. Bon allez c'est parti, allez. Tiens. Non mais dis donc alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon alors du coup, tu voulais dire quoi toi Jennifer? Bah moi j'ai un nom de famille aussi un petit peu difficile à porter. Vas-y dis-nous. Barjo. Ah bah. Ah c'est pas mal. Et entre Barjo et Tron, vous faites un beau couple. Bienvenue au club. Ah, là vous êtes pas mal, mais j'imagine que c'est festival de vannes Jennifer. Ah bah oui. Bah on me croit pas surtout, des fois. On croit pas que c'est comme ça, mais est-ce que ça s'écrit comment? B-A-R-J-O-T. Ah oui, Barjo, il n'y a même pas de négociation à faire, quoi. Non, il n'y a pas de négociation. Ouais. Mais, Ah, t'as dû souffrir, hein. Tu peux pas faire Bargo? Non. Bah, les gens m'appellent Bargo parce qu'ils disent, ils veulent pas m'appeler Bargo. Ils veulent pas te Ouais. Moi, c'est la même chose. Des fois, j'ai le droit à troncher aussi, donc c'est encore pire. Voilà. Donc, ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, non, c'est bien. Troncher, c'est pas mal, ouais. Mais ça va. Ouais, c'est pas mal. Mais... Bah, c'est pire que je préfère tronche que troncher quoi, franchement. Ouais, c'est pas pareil, ouais, non, mais c'est bien aussi. Ouais, c'est pas la même chose quoi. C'est pas la même chose, ouais. Attends, il y a aussi un message de Gaëtan qui dit vous êtes extra, j'adore, vous me faites marrer. Et alors, la musique, qu'est-ce qu'elle est bonne? C'est trop mort de rire également, Gaëtan. Lucas aussi qui dit la meuf qui sort direct sa taille de soutif. Non, mais c'est parce qu'elle a l'habitude, elle connaît le principe. Elle connaît la maison. Voilà, et le prince est là qui dit ah, mais oui, la chanson au pays de Candy, je chante chez moi d'ailleurs, du coup. Et Kawet qui dit je m'appelle Erika, j'ai eu le droit aux remarques par rapport au pétrolier. Oui mais ça c'est rien, ça c'est un moment, tu vois, ça dure le temps de l'actu et puis après c'est fini. Erika ça va, c'est pas un problème. Il y a Yann qui dit mon message de bienvenue. Moi c'est Aurélien, on l'a pas eu Mickaël. Ah oui Aurélien, tu veux ton message de bienvenue, écoute avec plaisir. Alors sois le bienvenu Aurélien. Attends, sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu Aurélien. ta gueule, connard. Voilà, je vais même le remettre parce qu'on l'a mal entendu du coup au début. Hein. Ferme ta gueule, connard. Voilà, Yann, donc pour ton message de bienvenue, c'est avec grand plaisir. Il y a Mélanie qui dit mon nom de famille, moi c'est Cordon. Bref, on m'appelle Cordon Bleu, c'est lourd. Ah, et ça peut être pire encore. Hein. Jérôme qui dit continue comme ça, toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs pendant que je fais mon pain, vous me faites bien rire. Comment ça, ton pain? Ouais, parce que hier, on va avoir un pâtissier qui devait venir avec. Un pâtissier parisien qui devait venir avec les cupcakes. Jérémy. Plus de nouvelles. Jérémy, t'es un enfoiré. C'est ça. Ta seule excuse, c'est d'être mort. Je vais bien. C'est vrai, c'est vrai. J'espère pas quand même. Non mais oui, sa seule excuse de ne pas être devenu. Bah non, les cupcakes, il doit être dans un état là s'il a fait un accident. Bah ouais, mais bon. Enfin bon, si vous avez été victime, enfin, si vous êtes ambulancier par exemple, vous étiez sur Paris hier, il y a eu un accident de voiture, il y avait des cupcakes, ramenez-les nous, c'était pour nous. Ouais. Donc bon, on les prendra avec 24 heures. On les remettra au micro-ondes. Ouais, voilà, c'est ça, on s'arrangera bien quoi. C'est ce qu'il aurait voulu. Hein. Bah oui, puis c'est ce qu'il aurait voulu. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est qu'on les mange. Donc ramenez-les nous, s'il vous plaît. Il y a Lucas qui dit mon nom de famille, moi c'est Grenier, on m'a traité de cave toute mon enfance. Ah. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors il y a Arl qui dit Mickaël est actif sur Twitter quand t'es passif dans ton couple, un comble. Ouais, en même temps, si tu es passif dans ton couple, on peut rien, je suis vraiment désolé. Bon, Jennifer. Oui. Et t'as jamais essayé de changer de nom, toi? Bah non, j'ai eu des moments difficiles, mais maintenant j'assume totalement. D'accord, bah écoute, c'est le principal. Je suis devenue comme le nom de famille. Voilà. Et bah écoute, tant mieux. Merde alors. Voilà. Tant mieux. Bon, note, t'es pressé d'être marié quoi. Bah non, parce que mon copain c'est pas mieux donc. Ah merde, c'est quoi ton copain? Balayé. Non mais t'es sérieuse. Le nom de con qu'ils ont. Non mais t'es sérieuse, Jennifer. Le coup oui, c'est sérieux. Barjo est balayé quoi. T'imagines le curé qui va devoir les marier ou même le maire. Oh putain. Il va arriver, il va faire ouais, arrêtez de vous foutre de ma gueule, il s'appelle monsieur, comment les gens ouais. Madame Barjo, vous voulez vous prendre pour épouse monsieur balayé? Oui. Ah oh, putain. Jennifer balayé. Mais sur la boîte aux lettres, balayé Barjo. C'est chaud. Oh putain, c'est chaud, c'est clair. Ça. Ah, il y a Thomas qui dit j'ai une amie, son nom de famille c'est Crétin. Et bah, elle le vit bien. En même temps, t'as pas trop le choix à un moment. Hein. Moi j'avais Vincent Connard à l'école. Ah, Vincent Connard, c'est bien. Vincent, et surtout quand c'est des gens, c'est les profs le problème. Il hein. Y a Mato qui dit j'ai l'air trop con de chanter sur l'air de Pipo là. Attends, il y a quoi? Il y a Guillaume qui dit prend du strepsil. Bah, je vais du coup, je vais en chercher demain pour la gorge à mon avis. Ouais. Il y a Enzo qui dit moi c'est chauve, mon nom de famille. Ah ouais, bah si tu l'es pas en plus, à la limite si tu l'es, bon passe encore, mais sinon il y a Boris qui dit bonsoir à la famille, un coup de pelle pour rester réveillé jusqu'à 2h du mat avec plaisir, hop là, dans ta gueule. Et puis Jules qui dit rattrape là ta voix et c'est bon le miel, avec du lait ça fait du bien. Bah ouais, mais il y a pas de lait dans cette radio, putain j'ai demandé à Polo tout à l'heure de me trouver un peu de lait chaud, mais pas possible quoi, et mélanger le miel avec du café, déjà le miel j'aime pas, mais alors avec du café en plus. Dans un thé. Je viens d'essayer, je vais y vomir trois fois. Ah oui, d'accord. Enfin, je l'ai bu, hein, mais franchement, c'était très très dur. Hein. Bon, ben Jennifer, je te fais des gros bisous en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ok, pas de soucis, à bientôt. Je t'embrasse, à bientôt, Jennifer. Ciao à toi. Ciao. Ah non, attends, oh là là. Reste deux petites secondes là, parce que Corentin était là également. Est-ce que vous connaissez donc Hit 24? Ah non, bah non, faut que tu nous expliques. Bah justement, non. Et toi, tu connais pas non plus, Jenny? Non. Bon, alors, bah justement, en même temps, c'est pas étonnant, hein. C'est un service de livraison de repas aux États-Unis. Alors, vous avez déjà été aux États-Unis? Ouais. Non. Bon alors très bien. J'ai alors, pas appelé Hit24. Mais justement, et c'est dommage. Non. Si j'en parle en fait, c'est parce que ce service a décidé de ne plus faire de pub sur Google, ni sur Facebook, ou même les autres agences de pub normales. En fait, ils ont arrêté. Et à votre avis, ils ont fait de la pub où ça? Ah bah sur Twitter. Non. Au Japon. Où ça, Jennifer? Au Japon. Ah bah oui, au Japon pour livrer aux États-Unis. Bah oui, c'est très bien. Bonjour. De vos drains, livradon rapide. Oui, pas de problème. De vos livres dans 48 heures. Un support. Mais oui, mais non, pas au Japon. Tu sais quoi, ça t'a mérité un coup de pelle. Voilà, c'est tout ce que tu méritais, Jennifer. Voilà. Sur quoi tu dis, Corentin? Bah, je sais pas, un support, c'est ça. Un support où ils ont fait de la pub et ils veulent plus en faire à cause de la bah, non, ouais, c'est ça. Ben non, en fait, ouais, c'est ça. Ils étaient sur Google, sur Facebook, ils ont tout arrêté. Et en fait, ils ont décidé maintenant de faire de la pub sur des sites porno. Et depuis qu'ils le font, la fréquentation de Hit24 a pratiquement doublé. Donc, Toff, tu vas appeler des livraisons pour proposer de faire de la pub sur ton site porno. Mais bien sûr. Hein, t'as déjà une idée de nom de site porno? Bien sûr, je lui ai trouvé un très joli nom hein, qui me vient là tout de suite. Descochonetdessalopes.com. N'importe quoi. Descochonetdessalopes.com. Très bien. Bon, ben on fait ça dans un instant, on va les appeler. Si vous avez des numéros de téléphone de personnes qu'on peut appeler, surtout des restaurants, ces gens vous faites souvent livrer, livraison rapide, tout ça, etc. Donnez-nous les numéros. Vous appelez, vous envoyez un message à Sandro, sandro@funradio.fr. Jennifer, je te fais des bisous. À bientôt. Salut Jenny, ciao à toi. Salut. Et bah Corentin reste encore avec nous. On va prendre d'autres auditeurs. Si vous aussi vous avez un nom de famille ou un prénom un peu pourri, vous avez envie de changer, vous avez honte, venez nous expliquer, venez tout nous dire. 01 42 48 5000. Et puis ce qu'on va faire dans un instant, eh bien c'est le jeu du je t'emmerde avec Terry et Nancy. Bonsoir tous les deux. Salut. Comment ça va Nancy? Comment ça va Terry? Ça va très bien. On va jouer dans un instant, vous êtes prêts? Ouais, juste après Mutton Heads avec Snow White, ok? Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, 23h32. On est en direct sur Fun Radio. Je vous rappelle que si vous voulez choper également le club de golf GTA 5 en exclu total, puisque c'est une pièce collector qui vaut plus de 200$, bah, il suffit simplement d'aller faire un like sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Et promis, il tombera ce soir. On appellera jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui décroche, pas comme hier soir. Donc, facebook.com/mickaëlofficiel. Et bonne soirée tout le monde. Shadows in my heart. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ton ta gueule, gros bâtard. No Limit. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, cœur du Nord sans pub, avec plein de messages. GTR 586 qui dit Mickaël, je rigolais tout seul sur mon scout. Mort de rire, les blazes. Ah bah oui, il y a des noms bizarres. Hein. Dylan aussi qui dit bah moi, mon nom c'est bien Bieber comme Justin. À mon avis, ça doit être à la française, c'est genre Bieber. Biébé. Ou Biébé. Ouais. Monsieur Biébé. Bah pourquoi pas, ouais. En même temps, ça doit être bien avec les filles, à savoir. Jordan qui dit moi, mon nom de famille c'est Leclerc. Merde. Oh, ah oui, comme le supermarché, ouais, c'est ça, ouais. On me fait tout le temps les vannes du style je peux aller faire mes courses chez toi, etc., etc. Adrien qui dit je connais un mec qui s'appelle l'arrêt. Ah oui, c'est pas mal ça. Liliane ou Lilian, je sais pas comment on dit. Moi, mon nom de famille, c'est Macouille. Je suis au lycée et je souffre tous les jours. Ah, putain, le Macouille avec un K. Elodie qui dit un petit coup de pelle pour éviter de s'endormir avec plaisir. Un petit tiens, Macouille. Voilà, Angélique aussi qui dit au lycée, j'avais un mec qui s'appelait le cul des mecs. Et le L-E-C-U-D-E-M-E-C. Ah, pas mal. Pauline qui dit je connais un mec qui s'appelle Nathan Jamais. Ça, non, les parents qui ont fait ça, ils sont quand même. Ouais, c'est vraiment des cons, ouais, alors, je suis désolé. Hein. Et Lilou aussi qui dit j'avais une prof, c'était chrétien. Amen. Quoi aussi Charles qui dit putain mais vous êtes grave en forme ce soir. Oui bah toute la semaine on était bien en forme. Alexane qui joue sur kiff l'équipe, grosse bise à mon petit Mickaël. Merci Alexiane, mais j'ai plus de voix là pour l'instant. Enfin ça va être de pire en pire à mon avis. Mais depuis hier c'est nouveau la galère là. Comme il y a une semaine c'est une galère. Et alors Ellie qui dit même malade je vous écoute, c'est gentil Ellie. T'as vu même malade moi je suis là quand même aussi. Kylian qui dit ne t'inquiète pas ta voix est toujours aussi géniale. Merci Kylian. Et Kawette qui dit bonsoir tout le monde. Et bah bonsoir à toi Kawette. Bon allez tous vos messages n'hésitez pas à vous balancer tout ça en direct. On va prendre Maxence dans un instant. Bonsoir Max. Max. Allô. Ça va Max? Ouais, allô. Ouais, vous... Hé Sandro, touche pas au bonbon. Putain, elle a flingué le paquet, je rêve. Elle a tout bouffé, parce que moi j'en ai c'est un truc de ouf. Eh ben quoi. C'était pour ça. Ouais, c'est ça. Bon, Maxence, alors toi on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah c'est parce qu'il y a ma copine, il y a un gars là principalement qui tourne autour d'elle et tout. Et puis ça commence à me saouler et tout. Puis D'accord, bon on va en parler dans un instant là. Dites-nous si vous êtes si vous avez déjà été victime de ce problème là. Genre vous avez une meuf qui est un peu bonne et puis bah du coup il y a des autres mecs qui des vautours qui tournent autour. Ou même l'inverse, hein, vous avez votre copain et puis il y a des meufs qui tournent autour. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Maxence tu restes avec nous? Ouais. Très bien, nous allons faire quelques appels également dans une petite dizaine de minutes. Oh. Ah oui, une petite dizaine de minutes pour que Toff essaye de proposer au service de livraison rapide, comme aux États-Unis, de faire de la pub sur son site porno. Voilà. Qui s'appelle des salopes et des. Non, des cochons et des salopes.com. Voilà, mais ne confond pas évidemment. Hein. Oui, mais bah avant oui, cela. Sinon, après les gens vont pas tomber au bon endroit. Bah, c'est ça, ce serait quand même problématique. Mais avant cela, nous allons jouer évidemment au. Je t'emmerde. Oh, Je t'emmerde. Yo. Bien sûr, avec Terry, avec Nancy. Vous êtes là tous les deux? Oui, on est là. Bon, on le dit à l'anglaise, Nancy ou Nancy? Non, Nancy, c'est affreux. Nancy. Ah, c'est Nancy, Nancy American style? Voilà. Ok, très bien. Nancy, 22 ans de Avery, 9-1. Exactement. Ok, dans l'Eason. Eason? Ouais, c'est ça. Ok, perfect. Et nous avons Terry. Terry et Nancy. Hello, how are you? Hello. Do you speak English, Terry? Yes, a little bit. Yes. Je sens que la conversation va être très fermée. Bon, Terry, honneur aux filles, donc tu vas démarrer en premier. D'accord. Voilà, un Nancy, j'imagine que c'est ce que tu préfères. Ouais. Bah moi ça me dérange pas, il peut commencer hein. Bah c'est ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. On est en fille, tu sais très bien qu'il va commencer en premier. C'est pas grave Nancy, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon Terry, on y va, premier appel maintenant. Le principe est simple, on appelle des gens au hasard. Faut placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase. Enfin dans une phrase, dans la conversation plutôt. Avoir une conversation logique. Donc pas faire des je t'emmerde jusqu'à ce qu'il raccroche. Mais avoir une vraie conversation, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique et dès que t'entends que ça sonne plus, c'est que c'est à toi. Vas-y, bonne chance mon gars. Et juste après, c'est Nancy qui va démarrer. Allez, et je rappelle qu'il y a le casque Fog. Allô? Allô, bonsoir. Oui? Oui, bonsoir. Je t'emmerde. Je vous appelle ce soir pour vous demander donc une chose très très, très très débile, je t'emmerde. Savoir si les gens s'énervent très rapidement, donc je t'emmerde. Effectivement, ça peut arriver. Hop là, hop là, moment, là. Je t'emmerde. Hop. Eh oui. T'as pas été très bon, Thierry. Ah bah oui, Thierry. Dommage. Ah oui, Nancy, tu as un boulevard devant toi. Je rappelle qu'on aura droit, que vous aurez droit à deux essais chacun. Pour l'instant, trois, je t'emmerde seulement pour Thierry. Nancy, t'es prête? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Dès que ça ne sonne plus, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est que c'est à toi. Et tu vas jouer pour un casque focal d'une valeur de 200 euros. Good luck, Nancy. Good luck. Donc, good luck. Good luck. Merde, ça décroche pas. Attends, on appelle un autre. Hop, on appelle un autre. Okay. Allez. Décidément. Allô? Allô? Allô, oui? Bonsoir, ma chérie, je t'emmerde. J'ai reçu ton message en me disant de te rappeler. Je t'emmerde. Tu voulais me dire quoi? Je t'emmerde. Je t'écoute, je t'emmerde. Tu vas me dire quoi? Attendez, vous êtes qui? C'est Célia, tu te rappelles pas de moi, je t'emmerde. Tu te rappelles pas de moi, je t'emmerde. Célia, je t'emmerde. Mais vous, bah, attendez, vous êtes qui? Je suis Célia, je t'emmerde. Je viens de te le dire, Célia, je t'emmerde. Qui? Célia, tu te rappelles pas de moi, tu fais exprès ou quoi, je t'emmerde. Mais vous voulez parler à qui, là? Bah à vous. Mais à qui, vous? Si j'ai votre numéro, je t'emmerde, c'est que je voulais te parler, toi, pas c'est qui, tu fais exprès ou quoi, je t'emmerde. Bah, vous savez qui vous appelez au moins là? Oui, je sais très bien c'est qui, je t'emmerde. Hop, stop Nancy. Eh ben voilà, ça nous fait combien? Ça nous fait 9. 13. Très bien, bah ne bougez pas, on revient juste après ça avec la suite. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, alors soyez les bienvenus si vous appelez, si vous voulez appeler, n'hésitez pas, de vous soyez en France, 01 42 48 5000, n'oublie pas qu'il y a toujours l'iPhone 5S à gagner aussi, hein. Je suis Bruno dans la radio tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio, et puis on va reparler également avec Vincenzo, qui, t'es là Vincenzo, hein? Ah ouais, je suis là. Ah très bien, alors vas-y pour la colle, là, répète-la encore un petit coup. Donc c'est trois nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a une PlayStation 3 à gagner, la console évidemment, avec le jeu Beyond Two Souls que je vous offre ce soir. Donc ces trois nains. Ouais, vas-y. Vincenzo. Il y a ouais. N entre le I et le C. Ouais, Vincenzo, ouais. Ok, l'autre fait son malin, Facebook, là. Il fait son malin, là. Tu fais ton malin? Non, tu fais ton malin, tu vas prendre un coup de pelle. Allez. Bon, Vincenzo, voilà, j'écris comme tu veux. Voilà, il y a Jean Robert qui est avec nous. Donc si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y, vous envoyez Mickaël espace la réponse par SMS maintenant au 64 900. Je vous souhaite bonne chance. On récupère Vincenzo et Selena Gomez. C'est Slow Down sur Fun maintenant. Bonne soirée. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Alors soyez les bienvenus. Si vous venez débarquer, vous appelez évidemment comme chaque soir le 01 42 48 5000. Si vous voulez participer à l'émission, évidemment, il suffit faire ce petit numéro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour venir prendre le contrôle de la radio tous les soirs sur Fun Radio entre 23h et 2h du lundi au jeudi et bien sûr le dimanche soir aussi de 20h à minuit. On parle encore des prénoms un peu bizarres avec Noël qui a envoyé un message sur son Facebook. Il dit j'ai un prof au collège qui s'appelait Monsieur Banichon. il a pris cher. Big up à lui, à toute l'équipe. Ouais. Merci Noël pour le message. Il y avait un message également de Manon qui dit message de bienvenue s'il te plaît. Alors attends, message de bienvenue pour toi Manon. Alors Manon, toi tu vas prendre ça. Allez vous faire foutre. Voilà Manon. Jérémy également qui avait envoyé son message qui dit je peux aussi avoir un message de bienvenue. Je l'ai jamais eu. Eh ben vas-y Jérémy, toi Jérémy, tu vas avoir ça, tiens. Bah va te faire enculer, connard. Voilà Jérémy et Lucas qui dit je suis tellement à fond avec vous le soir que je me fais engueuler par ma sœur vu que j'ai sa, qui a sa chambre juste à côté de la mienne. Oh mais attends mec, tu mets la radio à fond ou comment ça se passe? Mais un casque. Ah oui, comme oui, ça moi t'es tranquille. Bah oui, il y a Megumi qui dit la fessée, fais gaffe, ça peut limite me plaire. Ça dépend quelle fessée. Je ne sais pas, mais si quelqu'un veut une fessée, je peux donner une fessée. Moi. J'imagine. Moi, une prof s'appelait Madame la pute. Oh putain, ça c'est quand même tendu hein, quand tu veux faire prof. Moi, j'avais Madame le chien, mais on veut l'appeler le chien. Arnaud qui dit je connais une meuf qui s'appelle Diesel. Ouais, mais ça peut être bien aussi. Il faut voir. Trop chou, c'est trop chou les mecs jaloux. C'est Mathilde qui avait envoyé le message. Non, non, c'est pas chou, c'est chiant. C'est comme les meufs jalouses. Qu'est-ce que c'est pénible, sans déconner. Moi, je déteste ça. Et Kylian qui dit salut, Mickaël, un coup de lance-flamme pour réchauffer mon cher moi. Bah, si tu veux. Allez tiens. Voilà, et puis un message aussi de Lilou qui dit j'avais monsieur Goré au collège, moi personnellement. Et enfin un petit dernier aussi, moi mon meilleur ami a essayé de piquer ma meuf, ça c'est fini, il s'est bouffé le mur. C'est mal, la violence ne résout rien, rassurez-vous. On va en parler dans un instant. Ça fait du bien parfois. Ah parfois ça peut faire du bien, ça je dis pas. On va reparler également avec Rémi dans quelques minutes. Rémi aussi qui voulait réagir à Corentin au niveau des prénoms bizarres. Maxence qui lui disait qu'il y avait un mec qui tournait autour de sa meuf et ça le faisait chier. Il y a Vincenzo aussi dans un instant qu'on va récupérer pour la colle et puis on va faire la suite maintenant du je t'emmerde bien entendu. Je t'emmerde. Eh oui. Je t'emmerde. Eh oui. Je t'emmerde. Exactement, avec Nancy, avec Terry. Terry qui a fait 3 je t'emmerde dans une phrase, c'est ça? C'était pas mal. Bravo. Et Nancy qui en a fait 9. Oui, c'était moins bien, mais c'est pas mal. Bon, non, c'était mieux. Non, c'est vrai. C'est... Bah, c'est mieux. Nancy, c'est pas mal. Ouais, Nancy, mieux. C'est pas mal du tout. Mais attention, rien n'est fait. La deuxième manche, c'est maintenant. On va donc rappeler des gens au hasard. Évidemment, pas les mêmes, ce sera les autres. Si tu fais, Thierry, si tu fais mieux que 9, tu gagnes. Ok ? Ouais. Bah, si tu fais mieux que 9 et que Nancy n'arrive pas à battre son record, tu gagnes. Si jamais tu fais moins que 9, c'est perdu. Alors, pour garder un peu le suspense, Nancy, on va recommencer avec toi. D'accord ? Comme ça, Thierry, il aura la pression. Parce que si tu fais plus que 9, bah, il connaîtra le score qu'il devra faire. Si tu fais moins que 9, bah, il saura que c'est plus que 9 qu'il doit faire. Ok ? Ok. Bon, allez, c'est parti. On y va. Nancy, c'est à ton tour. On appelle quelqu'un. Je rappelle le principe. La première manche est passée. C'est la seconde maintenant. Vous avez droit à un deuxième appel chacun. Et donc, le but, évidemment, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone. Peu importe qui, on ne sait absolument pas qui on appelle. Et le but, évidemment, donc, arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une seule phrase. Nancy, dans une conversation logique, bien sûr. C'est parti. Nancy, dès que ça ne sonne plus ou dès qu'il n'y a plus de musique, quand tu n'entends plus de musique, c'est que c'est à toi et qu'il faut parler. Okay. Allez, vas-y. Allez. Allô ? Oh putain. Allô ? Allô ? Ah bah c'est raccroché. Eh bah bravo Nancy. Bravo. La personne n'a même pas parlé. C'est vrai. Allez, je te laisse une chance, on rappelle. On rappelle un autre, c'est parti, on rappelle quelqu'un d'autre. Allez. Ah c'est le même, attends, merde, attends, on va rappeler un autre. Voilà, c'est parti. On appelle un autre numéro maintenant. Nancy, sois prête. Ok. Et Thierry qui est en stress, du coup. Ah oui. Allez les gens, vous n'allez pas dormir à 23h55, ils sont pas sérieux. Bon ben on appelle un autre, décidément, on a la poisse. Si vous avez des numéros de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, balancez-les. Hein. Et qui n'écoutent pas l'émission, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Oh là là, tu vas voir, on va avoir la poisse. Toujours avec le deuxième appel. C'est un truc de ouf, à chaque fois on a la poisse. Bon, on enchaîne avec un autre. Merde. Oups, là j'ai fait n'importe quoi. Hop là, c'est parti, on en appelle encore un autre, Nancy, ça va bien finir par décrocher chez quelqu'un. Hein. Allez. Puis on aura les teubés de la télé aussi dans quelques minutes. Putain, Nancy, tu nous portes la poisse là, je pense. Allô ? Allô ? Je t'emmerde, tu vas bien ? Tu vois, c'est qui ? Je t'emmerde. J'ai reçu ton message. J'ai reçu ton message par SMS. Je t'emmerde. Tu m'as dit de venir te voir et tout ce soir. Je t'emmerde. Je suis prête. Je suis au taquet. Je t'emmerde. Je suis sans culotte et tout. Je suis chaude. Je t'emmerde. Tu peux passer me chercher si tu veux. Ça sera plus vite. Comme ça on fera ça dans la voiture. Je t'emmerde. T'es ok ou pas? Je t'emmerde. T'es ok ou pas? Je t'emmerde. Maintenant, je me suis pas trompée. Je t'emmerde. Pourquoi tu fais genre? Tu sais pas c'est qui? Je t'emmerde. Pourquoi t'es comme ça? Top. Ça nous fait combien ça? Ça nous fait 11. Oh, ouais, pas mal. Bon, Terry. Ouais. Eh ben, je crois qu'il va déjà raccrocher. Terry, il faut battre 11 je t'emmerde dans la phrase pour tenter de gagner. Ouais. Bon, eh ben écoute, la barre est haute, mais rien n'est impossible. Hein. On y va, ouais, Terry. Ouais, à ton tour. Si tu fais moins que 11, évidemment, c'est plié. Hein. Si tu fais 11, ça nous met dans la merde parce que du coup, c'est ex-aequo. Mais si tu fais plus. Alors, soit tu fais moins que 11, on est tranquille. Soit tu fais plus que 11, on est tranquille aussi, d'accord? Ça marche. Bon, je compte sur toi. C'est parti, on y va. J'espère qu'on aura moins d'un poids avec Nancy pour le numéro de téléphone. C'est parti. Dès que t'entends plus de musique ou dès que ça sonne plus, c'est que c'est à toi. Allez. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame. Oui, excusez-moi de vous appeler maintenant, c'était niveau au constat qu'on a eu aujourd'hui en fait. Donc il y a eu collision entre nos deux véhicules, je t'emmerde. Et donc c'était pour en parler un peu plus calmement, je t'emmerde. J'ai pas eu le temps de vous appeler avant, évidemment, je t'emmerde, car j'étais occupé, je t'emmerde. Excusez-moi, excusez-moi, de quoi vous parlez? Je comprends rien du tout. Du constat à l'amiable qu'on a eu pour entre nos deux véhicules. Donc moi j'avais un Renault Scénic et vous une 7 Corolla. Mais donc, pas en du fait, tout, vous êtes pas... Je sortais du rond-point, oui, et malheureusement je vous ai rentré dans l'aile droite, je t'emmerde. C'était donc pour me dire que je prends en responsabilité, je t'emmerde. S'il était possible de se rencontrer, je t'emmerde, pour évaluer une somme, je t'emmerde. Pour une carrosserie possible, je t'emmerde, ou autre chose, je t'emmerde. Mais des mots n'importe. Ce serait volontiers, donc il y a un moment où t'as fait une longue phrase où t'aurais pu en placer facilement deux ou trois dedans là. Et alors du coup, alors attention, Nancy t'avais fait 11. Ouais. Et avant de donner le résultat final, il y a Tof qui me fait des signes. Ah bah oui. Alors Nancy, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu, Nancy? 50. Combien, 50? 50. Oui, 50 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 85B. B comme Bénédicte? Voilà. D'accord. Bah ça fait C en moyenne. Hein, parce que oui, c'est vrai, c'est vrai, il y avait D, il y avait B, bon, ça fait C la moyenne. Voilà, donc on reste dans la moyenne. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Ah oui. Bon alors du coup donc maintenant on connaît toutes ces informations. Je rappelle que Tof note vraiment toutes les mensurations, il les garde dans son livre. Hein. Ah oui, bien sûr, j'ai un carnet. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, hein, c'est qu'en fait comme carnet, il a un petit livret. Non, c'est un grand livre. Il a un vrai carnet. Et alors ce qui est bien, c'est que du coup, si jamais tu rappelles dans 6 mois par exemple, bah, on pourra voir si t'as grossi ou si t'as grandi ou si t'as maigri. Ah, carrément. Ah bah oui, nous on fait des statistiques. Attention, c'est pas n'importe quoi ici, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors, attention, donc t'avais fait 11, je t'emmerde, Nancy. Et quel est le score de Terry? Alors, attention. Attention, parce que j'en connais un qui va être très, très content ou très déçu, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, avant cela... Faut pas que ça soit trop long non plus. J'ai rien à dire. Il va être très... Il va être très quoi, on sait pas. Il va être très quoi? Ah oui. Alors, roulement de tambour. À ton avis, Nancy? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Tu ne sais pas. Attends, roulement de tambour. Eh, joue le tambour avec tes boops. Ouais. Même si... Alain Dubé, hein, c'est difficile. Hein. C'est long, hein, ce truc. Il est rayé ou oui, pas? Oui, bah, c'est fini. Comment ça, il est rayé? J'étais en train de jouer du tambour en direct. T'es sérieuse? Je te raconte, là. Bon. Alors. Alors. Combien de... Je t'emmerde. Ah c'est chaud, hein. C'est très très chaud, ça s'est joué à pour 1. Terry. Eh ça va Nico Saliagas là? Bon alors c'est combien? 10. Non, ouais, oh ouais Terry. Eh ben, bravo Nancy. Merci. Et Terry. Oui. Terry. Bah c'est ouais, ouais. T'es qu'un loser. Ouais parce que t'avais la place, pour les mettre. Ça va. Putain t'avais la place pour les mettre en plus là. C'est le moment où t'as fait de la merde là. C'est le moment où t'as rien dit pendant je sais pas combien de temps que t'as foiré. Oh là, tu m'as déçu Thierry, tu m'as déçu. Yeah, ça veut dire quoi ça, Mickaël? De quoi Nancy? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ah bah non, ça veut dire qu'il a pas gagné, mais toi t'as gagné Nancy, t'inquiète bah, pas. Oui, tu vois, autant Thierry m'a déçu, autant toi je suis fier de toi. Ah bah ouais. Ah bah évidemment, évidemment, évidemment. Bon, eh bah écoute, les choses sont pliées maintenant, hein. Bravo Nancy, le casque focal d'une valeur de 200 euros, c'est pour toi, tu vas pouvoir enfin avoir un son qui déchire tout dans tes oreilles. Ah ouais, j'ai hâte. Eh bah j'espère bien, je te fais des gros bisous en tout cas, et puis tu reviens jouer avec nous quand tu veux, hein. Gros bisous. Pas de soucis, gros bisous. Salut Nancy, et Terry, tu retournes chez ta mère les mains vides. Bah merci, c'est cool. Bah écoute, avec plaisir, hein. Tu rejoues quand tu veux avec nous, Terry, on embrasse tout le monde dans le Var, hein. Bientôt. Ça marche. Salut Terry, et on joue la semaine prochaine où je t'enverse si vous voulez jouer avec nous. Et ben dès maintenant, vous pouvez me faire un petit mail si vous voulez, il y a pas de problème. mikl@funradio.fr. Il y a Sofiane qui dit la photo du carnet de Toff. Alors on peut faire une photo du carnet de Toff, effectivement. Par contre, on ne pourra pas montrer ce qu'il y a dedans, c'est secret, c'est normal. C'est parti de je peux pas tout révéler comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, c'est comme c'est un peu un banquier, on lui demande pas les numéros de compte de ses clients, quoi. Voilà, c'est des secrets de fabrication, je ne peux rien révéler. Voilà. Il y a Juju qui dit est-ce qu'on peut mettre Lee Goulding. Bon, ouais, c'est peut-être calé ça. Lauriane aussi qui dit un de mes profs au lycée s'appelait Monsieur Sevrette. Alias Levrette. Ah oui, d'accord, ok, ouais, au niveau des jeux de mots. Il y a Laure Blanc qui dit ma prof de sport c'était Madame Lassus. Il y a Jérémy qui dit j'ai une prof qui s'appelait La Fenêtre, elle a pris trop cher. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et Mato qui dit je peux aller me faire un foot aussi. Eh là, j'ai pas compris avec le foot. J'ai pas compris non plus. Moi non plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah non, aller se faire foot. Bien sûr que tu peux aller te faire foutre, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et il paraît que Madame Lafleur va se marier avec Monsieur Lapère. Ah c'est bon ça, ça c'est bon ça. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Là. Voilà, ça c'est un message pour Polo en revanche. Dans un instant sur Fun, on va vous caler évidemment les teubés de la télé. Nous avons encore avec nous Corentin, toujours là Corentin. Toujours là, je vous écoute. Très bien. Et Rémi qui voulait réagir également par rapport bien au prénom ou au nom bizarre. Bonsoir Rémi. Salut. Comment ça va ? Bon, ça va. Bon, tant mieux, très bien. Alors, Rémi, on t'écoute. Bon, bah, moi, mon nom, c'est Mollard, et du coup... Ah, c'est toi qui avais Mollard ? Oh là là, ouais, mon pauvre. Ah, bah... Comment ça va ? Voilà, c'était ça, mais bah, ça, j'étais au collège. Bah, j'imagine, maintenant, t'as quel âge ? T'as 19 ans ? Ouais, 19 ça va. Ans, ouais. Ouais, maintenant, on a... après 18 ans, en général, t'arrives à un âge où t'es un peu moins con, quand même. Oh non, depuis le lycée, les gens ont complètement changé, ça n'a rien à voir. Ah ouais ? Si, je te crois pas. Ah si si, je t'assure. Parce que attends. Putain, et franchement, pour le bon, j'y suis passé aussi, donc je peux vous dire effectivement que c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'es con quand t'as entre 10 et 15 ans ? Oh putain, celui qui a. Le mec, parce que je sais, je l'ai vécu, le mec qui a le malheur d'avoir un défaut physique aussi petit soit-il, qu'il ait le malheur d'arriver un jour avec, je sais pas, mal coiffé, un bouton sur le nez ou n'importe quoi, son année est morte. Mais tout, il y a. Non mais. L'adolescent trouve toujours un détail. Ah ouais, le truc ouais. De merde. Et alors, si je peux vous donner un conseil, si jamais ça vous est pas encore arrivé, essayez de trouver la faille du mec en face avant qu'on trouve la vôtre. Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre victime et que vous avez engrainé d'autres potes à le défoncer, personne va venir se retourner contre le caïd. Donc faut être le premier à dégainer. Je dis ça parce qu'on est au mois d'octobre seulement, on est le 3 là. Ah bah c'est l'anniversaire de Toff aussi aujourd'hui, dis donc. Oui. Ah bah ça y est, anniversaire de tête de gland. Ah musique. Musique. Ah bah bien sûr. Ça te fait quoi là? Oh là Jésus Christ. Oui. Non. Que je sois crucifié, fouetté. Oh là là, c'est bon ça. Bon anniversaire Toff. Je voudrais bien te faire la bise, mais j'ai un peu peur. Ah bah voilà. Là. Oh, dis donc l'âge du Christ. Et on avait prévu le gâteau pour toi, Toff. Ouais, mais vous l'avez mis avant. Attends, j'ai un paquet de bonbons. Oh, c'est gentil, c'est bien. Sympa. Oh, j'en ai le reste. Oh, il y en a 600 euros de m'en avoir laissé un. Voilà, ça fera bougie. Voilà, donc oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est chose qui arrive. Hein. Oui. À 33 alors. Hein. Oui, 33. C'est dur, non ? Non. Ou pas ? Non, ça va ? L'âge du Christ, tu sais que c'est fini après. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah d'accord, ok, bah voilà. Je serai peut-être pas là demain, les gars. Hein. Bah peut-être, effectivement. Des promesses. Bah oui, bah c'est. Oui, que des promesses. Il y a Tony qui dit bon anniversaire, Toff. Ouais, voilà. Et puis il y a Migoumi qui dit comme marque-page pour Toff, c'est un préservatif usagé. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, effectivement. Et Tixek Kozigi, joyeux anniversaire, tête de gland, alias Toff, t'inquiète, je te kiffe. Et alors, Kylian qui dit joyeux anniversaire également. Bref, tous les messages, bien entendu, vous pouvez spammer la boîte de Toff, hein, toph@funradio.fr. Ouais. Ah, vas-y. Il répondra à tout le monde, il s'engage. Bien sûr, à tout le monde. Voilà. Bon, alors Rémi, donc du coup, alors excuse-moi, Monsieur Mollard. Oui. Voilà, très bien. Et Corentin, c'était quoi ton nom, j'ai oublié du coup ? Non, quand même pas. Merde, figure-toi que j'ai un trou. Mollard. Oh, pardon. Oh là, Oh là, Polo. Non. Vous avez tous un trou là. Ah, enculé. Mais non. Non. Monsieur enculé, non. Tronche, monsieur tronche. Voilà. Ah oui, voilà, bien, c'est ça, c'est, oui, c'est ça. Parce que j'ai repensé au ponche et du coup ça m'a fait, ça m'a mis direct dessus alors. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon. Quoi, oh, le moyen mémotechnique. Bah oui, ponche tronche. Ouais, il est pourri. Enfin, ouais, bah, comment non. ça, il est pourri, mais ça m'a permis de, ça m'a permis de me souvenir. Enfin, je sais pas. Bah quoi, ça m'a permis de me souvenir. Ça m'a permis de me souvenir. Voilà, tout simplement. Bon, et du coup, comment tu vis le truc, toi, Rémi, là, maintenant, ça va, c'est tranquille, plus personne se fout de ta gueule. Ah oui, là, ça a plus rien à voir, oui, c'est sûr. Bon, bah, très bien. Mais Mollard, ça s'écrit comment chez toi? Bah, comme c'est connu. Ah, comme un Mollard. C'est ça. Ah, bah, super. Hein. Ça s'écrit comment le crash? Ouais, voilà, c'est exactement pareil. Bon, bah, merci Rémi et Corentin. Hein. Bah, je t'en prie. Hein. Ah, attends, nous avons un petit dernier qui vient d'arriver à Marseillais. Bonsoir, Marseille. Ah. Ouais, bonsoir. Ah, bonsoir, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Elvis. Sérieux, ça? Ah, c'est pas rigolo, hein. Hey, t'as une banane et tout. Oh, putain, Elvis. Ah oui. T'as la banane et tout? Elvis, non. Le rocker de Marseille. Ouais, ouais, j'ai la banane. Non. Ah oui, j'ai la banane. Non. Hey, le prénom est classe, mais faut savoir le porter. Ah et bah, il faut. Ah, ouais. C'est bien. Eh mais quoi, tu vas aux États-Unis tout ça là pour voir les Elvis à Las Vegas, à Memphis, à Graceland. Jamais, t'es fan ou pas? En fait, c'est pas moi qui est fan, c'est mon père. Oui, alors, on a bien compris qu'il y en avait un des deux qui était fan, hein, ta mère ou ton père, hein, ça pouvait pas être autrement. Hein. Mais tu leur en veux ou pas? Est-ce que t'as essayé de les taper à un moment ou un autre, ou est-ce que t'as essayé de porter plainte peut-être contre eux? Ah non, pas du tout. Ben maintenant, je le vis bien, mais avant. Mais tu te fais, tes potes, ils t'appellent comment? Ils t'appellent Elvis? J'ai un deuxième surnom. C'est quoi? C'est chinois. C'est quoi? Chinois. Chinois, ouais. Ouais. Comme un chinois. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Elvis, c'est peut-être mieux. Hein. Ouais. Note. Ouais. Parce qu'en fait, un asiatique qui s'appelle Elvis, c'est pas commun. Ah mais t'es asiatique? Quel accent marseillais. Oh putain, l'asiatique avec l'accent marseillais qui s'appelle Elvis. Putain, et toi t'es un mec du monde. Bah, c'est vrai. Écoute, t'as l'accent d'un pays d'Europe, enfin d'une ville d'Europe, t'as la gueule de l'Asie et t'as un prénom américain. C'est ça. C'est bah voilà, fait. Super. T'es au top. Ah, il te manque plus qu'un nom de famille africain et t'es au top. Hein. C'est ça. Ah mais c'est vrai. J'ai un nom européen aussi. Ah, t'as un nom européen aussi. Bon, bah, très bien, parfait. Vous voyez, Rémi et Corentin, il y a pire, hein. Il y a toujours pire ailleurs. Oui, je m'en rends compte. Bah, voilà, mais non, mais c'est vrai. C'est pas grave, c'est la vie. Bah, oui, exactement. Bah, oui, exactement. On d'ailleurs, assume totalement. D'ailleurs, on va s'écouter un petit Elvis Presley, là. Ça vous branche? Elvis Rock. Non, sans façon, ça ira. Bon, ben, Rémi, Elvis et Corentin, merci à vous d'être passés, en tout cas, hein. Ah, ouais. Merci à vous. Bon anniversaire. Hein. Ouais, bon anniversaire aussi. Pas de problème, vas-y. Bon anniversaire. Vas-y Elvis, ouais. Vas-y Elvis. Je passe une dédicace quoi. Vas-y Elvis. Ah, je passe une dédicace à mon collègue portugais Brian. Oh, et, vive le Portugal. Et quoi? Et mon collègue Yanis qui a parlé à Nadia hier. Ah oui, c'est lui, d'accord, ok, très bien. Et il s'est pris une tôle d'ailleurs, hein, donc, accessoirement. Ah, bon. Tu crois que tu pris un gâteau? Non, elle a donné des nouvelles? Tu vois avec lui, tu l'appelles, tu verras. Ah d'accord, ok, moi je pense qu'il s'est pris une tôle. Mais sinon tu te serais pas vanné déjà. Mais bon, on verra. On prendra des nouvelles. Bon ben salut Elvis. Allez, ça va, bonne soirée. Ça marche, salut Corentin, salut Rémi, à bientôt, bonne soirée. Une dédicace, moi aussi, Mika, ouais, ou pas? Vas-y Corentin, vas-y. Bah, moi je vais faire une dédicace à tous les mucains du lycée Victor Hugo de Poitiers, à ma famille belge, à mes parents et puis mon frère aussi. Eh ben on embrasse, voilà. Y a pas de problème, tout le monde à Poitiers, pas de soucis. Salut Corentin, à bientôt. Hein. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Ciao, salut Rémi, bye. Salut. Ciao, bye bye. Bon, allez, bougez pas de là sur Fun Radio. On est de retour dans un instant avec vous toutes et vous tous en direct, évidemment. On va faire les premiers appels avec Toff. Ah, et on est à la bourre, évidemment, mais ça change pas trop d'habitude. On va se faire aussi le... Enfin, les plutôt teubés de la télé. Le tirage au sort également pour la PlayStation 3 et bien sûr aussi pour le club de golf. Le temps d'écouter le son de Martin Garrix maintenant sur Fun Radio avec Animals. Il y a plein de messages qui sont arrivés là. Oh là là. Plein de messages pour l'anniversaire de Toff là. Ah c'est gentil, merci. Ah bah oui, mais bon, hashtag Mickaël, continuez à balancer tous vos messages évidemment sur le Twitter, sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Bonne nuit tout le monde, il n'y a pas de pub toute la nuit sur Fun Radio et c'est Martin Garrix qu'on écoute. Va te faire foutre, connard. 23h, 2h. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et venez prendre le contrôle de Fun Radio 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Nanou qui dit bon anniversaire, amour, gloire et sexe. Tof, il y a Ellie aussi qui dit moi j'ai eu une dose. J'ai eu mal au, je m'appelle Ellie, donc hélicoptère. Ouais, facile. Lucas qui dit le pauvre Marseillais s'appelait Elvis et habitait à Marseille, pas de bol. Ouais, ça va, c'est bien, il y a quand même vachement pire. Jonathan qui dit un coup de pelle pour l'anniversaire de Tof, bien sûr. Ah, hop merci. Là, il se l'est pris. Denis qui dit bon anniversaire Tof, bon anniversaire Tof pour Mr. Steven. Julien qui dit je te souhaite un bon courage. Je souhaite un bon courage à tous les routiers qui roulent de nuit. Votre émission est super, ne changez rien. Merci Julien et bon courage également évidemment à tous ceux qui bossent hein, ce soir et qui sont sur les routes par exemple. MLM qui dit message de bienvenue, je ne l'en ai jamais eu, effectivement. Tiens, voilà, tiens, c'est pour toi ça. Ah, t'as été coupé mon con. Eh ben voilà. Espèce d'enculé, va. Voilà, il attend qu'il ait une jolie bifle à Tof pour son anniversaire. Bah, je pense que ça lui ferait plaisir. Ah oui, grave. Bah ouais, mais vraiment en plus. Il attend que ça. Bah oui, tout à fait. Bon, alors, Vincenzo, de retour, Vincenzo. Allô, allô. Allô. Allô, Vincenzo. Une fois. Deux fois. Vincenzo. Vincenzo, serait quand même dommage de déclarer forfait, là. Vincenzo. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute, on va le rappeler encore un coup. On va voir. Attends, parce qu'il y a Sandro qui est en train de montrer qu'elle s'est fait mal avec son casque, alors du coup, oh, forcément, là. Pff. Donc, on va rappeler Vincenzo, puisque il n'est plus là, a priori. Hein. Maxence, t'es là, toi hein? Ouais, ouais. Ah bon, très bien, parfait. Bon, bah, Maxence est avec nous, c'est parfait aussi. Maxence, est-ce que tu commandes souvent des trucs, genre à bouffer sur Internet? Non, pas à bouffer, non. Pas, comment ça, pas du bon commande quoi? Ah, genre des livres, des CD, des non, non, des pièces de moto, c'est tout. Des pièces de moto, oui, c'est une idée comme une autre, effectivement, pourquoi pas. Bon, et bah du coup, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a une chaîne de restauration rapide, enfin, c'est pas une chaîne, c'est un mec, en fait, qui avait sa boutique de restauration rapide, de restauration sur commande, qui a décidé, en fait, de ne plus faire de pub sur Google, Facebook, etc., non, etc. C'est ringard, tout ça, c'est voilà. Fini. Il a décidé de faire de la pub sur des sites pornographiques, et depuis, il a doublé son chiffre d'affaires. Du coup, bah, Tof, qui a décidé de lancer son site de cul? Non, enfin oui, mon site de cul sur lequel je vais mettre la pub pour. Exactement. Site de cul qui est. Qui s'appelle. Et oublié. Des cochons et des salopes. .com. Voilà. Donc du coup, ben, on va appeler des gens pour voir si ça les intéresse de profiter de cette réclame. Mais oui, allons-y. Exactement, magnifique. C'est parti, on y va, on appelle. Voilà, parfait. Et on va chez Domino's. Oh ben, super bon. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais pour vous proposer de faire de la publicité sur notre site, descochonsetdessalopes.com. Ah, ils sont pas très ouverts chez Domino's là. Bon, on rappelle, c'est parti. Oui, c'était rapide, effectivement, oui. Allez hop, retour. Dinos. Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Ah oui, c'est. Oh bah, bon oui. Accueil, bonjour hein, chez Domino's. Bon, ils sont commerciaux. Hein. Ah ouais, là ouais. Bon, on rappelle encore un coup. Hein. Dis donc. Oui, allô? Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe. À chaque fois, on est coupé, monsieur. Bon, vous avez d'autres conneries à raconter ou quoi? Mais c'est pas des conneries, monsieur. Moi, je vous appelle pour faire de la publicité. Ouais, bah, allez vous faire foutre. Et vous arrêtez parce que je porte plainte. Hein. Mais enfin, pourquoi, monsieur? Bah, je sais pas pourquoi, mais il a nouveau raccroché. Bon, je pense qu'il a pas bien compris. Hein. Mais oui, on va le rappeler encore un coup, du coup. On le rappelle encore un coup, Maxence? Ouais, bah oui, il a peut-être pas compris, il peut faire la pub pour Domino's Pizza, c'est quand même con. On rappelle. Allez. Oui, allô? Oui, monsieur, ça se fait pas enfin d'insulter les gens ouais, comme ça. Ouais, c'est bon, allez, fous-moi. Allô? Il a même saoulé son téléphone. Alors que là, Polo, une petite quête fromage. Cheesy bread pour moi. Ah, cheesy bread, allez, c'est parti. On a double cheesy bread. Bon, on rappelle encore un coup quand même, après on arrête, hein, parce que bon. Et comme il a promis de porter plainte. Une savoyarde. Ah ouais, de la crème. Dis-le, bonsoir. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous me raccrochez. C'est bon, là, vous arrêtez, là, c'est bon. Parce que là, je vais porter plainte, hein. Mais pourquoi vous voulez porter plainte, monsieur? Moi, je vous appelle pour faire de la publicité. Non, non, Allô. Non, c'est bon, il a raccroché. Oh, oh bon, bah, tant pis, hein, chez Domino's Pizza, on n'a pas réussi à en placer une, c'est bien dommage. Ah, vraiment déçu, là, vraiment déçu. Tant pis. Tant que moi, attends. Bah ouais, bon. Qu'est-ce qui va financer mon site? Bah, c'est ça. Bon, si vous connaissez d'autres chaînes de resto, alors pas forcément des chaînes, hein, mais si vous connaissez d'autres restos, n'hésitez pas à donner des numéros de téléphone pour qu'on puisse appeler afin de leur proposer, évidemment, cette magnifique offre de faire de la promotion sur le site de cul de Toff. Voilà. Dis Maxence. Ouais. Hey, tu l'as rencontré où ta meuf? Puisque c'est pour c'est ça dont tu nous as parlé, hein. C'est qu'il y avait un mec qui tournait autour de ta meuf, mais tu l'as rencontré où ta meuf? En boîte de nuit. Ah bon, en boîte de nuit? Ouais. Ah ouais, parce qu'il paraît que c'est au travail qu'on a le plus de chances de trouver la personne avec qui on va faire sa vie, alors que justement dans les bars, les boîtes, et même sur internet, il y a de grandes chances que ça donne rien. T'es avec elle depuis combien de temps toi? Moi je suis avec elle depuis ça va faire 7 mois là. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, quand même. Et vous êtes rencontrés quoi, genre en boîte, avec couple d'amis, ou c'est vraiment quelqu'un que tu connaissais absolument pas? Enfin, non, bah en fait, je la connaissais déjà avant. Parce que, bah, en étant tout petit. Ouais. Et puis, après, bah, je l'ai revu parce que mon meilleur ami, bah, il sortait avec. Ouais. Et puis, on avait fait une soirée chez lui, tout ça. Puis, elle était venue. Ouais. Puis, bah, ça se passait mal entre eux, je sais pas quoi. Et puis bah du coup bah on parlait et tout, puis au bout d'un moment bah il l'a quitté, puis après bah, on t'as récupéré les morceaux quoi. Voilà. C'est quand même l'endroit le plus insupportable au monde pour serrer une meuf, la boîte. Hein. La boîte, bah ça dépend. Hein. Ça dépend parce que. Ouais, mais parfois justement l'avantage c'est que il ou elle ne parle pas, que comme elle est un peu éméchée, du coup bah c'est peut-être plus facile aussi. Puis en plus de ça, eh ben en même temps tu vois pas, tu verrais bien dans le noir complet, tu vois, donc. Et parfois c'est mieux. Et Toff il cartonne dans les boîtes, hein. Ah bah c'est. Tu me mets toujours dans le coin sombre de la boîte. Voilà. C'est l'endroit que je préfère. C'est ça. Au moins il est tranquille. Ouais. Bah venez nous dire où est-ce que vous avez rencontré votre copain ou votre copine, et depuis combien de temps d'ailleurs vous êtes avec. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va vérifier justement si ce sondage fonctionne également. Est-ce que tu regardes souvent la télé toi du coup Maxence? Ouais en ce moment ouais. Ah très bien, pourquoi en ce moment, il y a un truc en particulier? Ouais je me suis fait opérer du genou. Ah oui, donc du coup t'es à la maison quoi. Ouais, voilà. Forcément. Alors du coup, bah ouais, du coup t'as peut-être vu c'est à vous là, on a eu un joli lapsus. Le ministre du Travail, Michel Sapin, a bien fait savoir hier soir que ce bug ne remettait pas en cause la tendance à la baisse du chômage. Pardon. On le remettre. Attends, on va le remettre. Mais pourquoi il veut plus le remettre? Voilà. Le ministre du Travail, Michel Sapin, a bien fait savoir hier soir que ce bug ne remettait pas en cause la tendance à la baisse du chômage. Pardon. Et puis il y avait aussi, dans Sans aucun doute, un agriculteur qui nous explique pourquoi il a acheté une éolienne. Je m'appelle Jackie, je suis agriculteur à Poulaine dans le Berry. J'ai voulu acheter une éolienne parce que c'est écologiste. Parce que c'est écologiste. Mais oui, bien sûr. C'est écologiste. Bah, c'est super écologiste, une éolienne. Oui. Évidemment, bien sûr. Bon, et si vous avez d'autres extraits de télé, des trucs qui vous ont fait marrer, n'hésitez pas. Hein. mikael@funradio.fr. Dites-nous quand vous avez vu ça. Et puis, évidemment, on prendra toutes les notes. Il y a Megumi qui dit, c'est vrai, ton sondage, Mickaël, Sandro et Toff finiront ensemble. Je le sais de source sûre. Celui qui me l'a dit, c'est Valentin. Ah bah si c'est Valentin qui te l'a dit, alors évidemment je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Tu vas aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, bon alors Maxence, bon parlons de ton problème maintenant Maxence. Alors t'appelles du Jura toi, et donc toi tu nous as expliqué déjà comment t'as rencontré ta meuf. Et puis bah surtout apparemment il y a un vautour qui tourne autour. Ouais. Est-ce qu'il s'appelle Toff? Comment? Est-ce qu'il s'appelle Toff? Non. D'ailleurs, je lui dis bon anniversaire. Hein. Merci, Maxence. Merci. Ah oui, attends, il te remercie également. Voilà, il te remercie. Est-ce que t'as eu ton message de bienvenue? Non. Ah bah tiens, Maxence, c'est pour toi. Va te faire enculer maintenant. Voilà. Hop, bienvenue à toi sur l'antenne de Fun Radio, Maxence. Bon, alors, donc, c'est qui le mec qui tourne autour de ta gondesse? Bah, c'est un camarade de classe à elle. Et puis, depuis cette année, là, quand elle a fait sa rentrée, bah, il arrête pas et tout. Ah ouais, mais ça. Bah en même temps, il faut prendre le bon côté des choses. C'est que ta meuf, elle plaît. Ouais. Bah oui, c'est vrai, sinon personne ne tournerait autour. Mm. Bon, maintenant, est-ce que t'as confiance en elle? Bah oui. Ah bah voilà, normalement, tu risques rien. Tu sais, au pire, tu vois, hop, tu mets une claque. Mais comment il s'appelle? Antoine. Toi-Toine. C'est mignon. Bah oui. T'as son numéro de téléphone, sinon on l'appelle. Ouais, on lui dit. Non, mais là, il répondra pas, il est à Internet, puis il donne les portables. Ah merde. Mais et ta copine est à internat aussi? Ouais pareil. Ouh. Oui, ça par contre ça peut être dangereux hein. Bah oui, ils sont toute la semaine ensemble. Ah bah ouais ça pue du cul pour toi Maxence hein. Quel âge est là elle? Elle a 15 ans. 15 ans, et lui ? 15 ans. Ouais, donc t'as l'avantage d'être plus âgé, donc tu vois, la meuf, c'est bien, elle se tape un mec un peu plus vieux et tout ça, c'est un peu la classe. Mais elle, t'en as déjà parlé avec elle, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ouais, bah elle veut pas en entendre parler, elle dit que c'est un bon pote, mais ça s'arrête là. Bon bah voilà, mais fais-lui confiance alors. Ouais. Bon, dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà tombé sur des mecs comme ça qui tournent autour de vos gonzesses. Tof ? Bon non, toi, il irait jamais assez longtemps. Ouais, et puis ça m'arrive jamais, de toute façon. Bon, si, avec ta première, là... Mais c'était la première. Ouais, non, mais d'accord, c'est, mais... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté après. Ah, d'accord, ok. Arrête ton cinéma, là. Mais oui, c'est ça. T'es malin comme ça. Toujours. Là. Quel connard, alors. T'es une patte. T'es une bonne patte. Exactement. D'ailleurs, j'ai un message pour toi, Tof, qui est arrivé pour le bon anniversaire. Ah, tu vas te faire enculer, connard. Voilà. Et bon anniversaire encore également, là. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, ça, c'était le Nord qui te souhaitait un bon anniversaire. Ils sont trop sympas dans le. Bah oui, toujours. Ta gueule, connard. Ça, c'était Charleroi qui te souhaitait un bon anniversaire. Et puis, attention, Ajaccio. Espèce d'enculé, va. Voilà. Attention, Bastia. Elle va te faire enculé au clochard. Voilà, t'as vu, tout le monde te souhaite bon anniversaire. Et oui, tout le monde, et ça c'est beau. C'est beau. Ça t'émeut ou pas ? Bah oui, je vais pleurer. Bah j'imagine. Bon, Maxence. Ouais. On a Gilles qui est avec nous maintenant de Montélimar. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, bah bienvenue à toi, je coupe mon micro, c'est parti. Bienvenue à toi Gilles. Alors tu voulais réagir à Maxence, toi aussi t'es déjà tombé sur des mecs, des mecs qui tournaient autour de ta meuf ? Ouais. Alors il s'est passé quoi ? C'est un peu chiant. J'ai un mec qui a essayé de tourner un peu autour de ma meuf et bon, au début c'était juste des potes et il a commencé un peu à avoir les mains qui traînaient. Bon j'ai attends, il y en a un qui est en train de taper un clou là. Qu'est-ce qui se passe, Maxence ? Non rien, je montais le son, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. J'ai l'impression que t'étais avec un marteau en train de mettre un clou dans un mur. Ouais, ça, genre, ah ben oui, je vais changer le cadre de place, il va être vachement mieux là, effectivement. Bon, et donc du coup, Gilles, il commence à avoir les mains un peu baladeuses. Du coup, je dis, ouais, ça va, bon, c'est pas bien grave. Il rigole, mais après, il a commencé à se rapprocher un peu trop et il a essayé de l'embrasser, et là, ça a mal tourné. Là. Ah, bah oui, mais là, que ça se fait pas. En plus, il est au courant qu'il est avec elle. Bah oui, c'est un peu l'un de mes meilleurs potes. Il avait une copine. Oh là là, quel enculé. Mais c'est quoi c'était lors d'une soirée ou un truc comme ça ? Non, c'est tous les midis, on allait manger avec elle. Il y a eu un midi où je pouvais pas parce que j'ai dû rentrer chez moi et là... Et qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il a embrassé. Oh, du coup, et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah bah elle a enchaîné, elle a mis la langue et tout, elle a mis une tarte et après c'est moi qui m'en suis occupé. Ouais mais bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire que... T'as fait quoi ? Toute cette violence gratuite. Ouais c'était assez violent, il a fini à l'hôpital. Ah oui quand même ! Ah oui, tu putain, heureusement que tous les mecs sont pas violents, heureusement que tous les mecs sont pas violents comme toi, hein, parce que Tof il aura la gueule refaite hein. Non, il sort qu'avec des boudins. Ouais. Son neveu, Tof. Il a jamais pu pécho une bonne meuf. C'est vrai. Meuf qui avait déjà un mec. Moi, je connais pas. Jamais. Il y a Shadow aussi qui dit j'ai pas eu mon message de bienvenue, moi. Bah, si, Shadow, là. Tiens, regarde, voilà. Allez, vous foutez. Voilà. Pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, tu l'as eu. Bon, et Candy aussi qui dit un très heureux anniversaire à Tof et à son caleçon. Amusez-vous bien. Bisous et profitez-en bien. T'inquiète pas, ils vont en profiter. Hein. Ah, oui, grave. Ah, bah, ouais, c'est ça. Ce soir, il va se faire tout le bois de Boulogne pour son anniversaire. Je m'arrête. On peut là. Il va s'arrêter à tous les arrêts. Voilà. Dans toutes les cabinettes, allez, il va se faire un petit break là, effectivement, il va démarrer le scoot. Exactement. Chaque réverbère, je m'arrête. Et il va se faire la totale, garçon, fille, Brésil, Argentine, voilà. Tout le bordel. Tout, demain, moi, je vais vous ramener un stock de maladies, les gars. Oh, classe. Puis il va marcher en cow-boy. Hein. Ah, il va... Ah oui, parce qu'il va prendre des deux côtés. Demain, on va l'appeler Lucky Luke. Ah, il rigole pas. Il va fêter dignement ses 33 ans. Ah bah ouais. Bon, alors Gilles, donc du coup, toi, tu l'as envoyé à l'hôpital. Alors, je suis pas convaincu que ce soit vraiment le bon plan non plus, hein. Non, c'est pas terrible, parce que j'ai eu des problèmes un peu avec les tics et tout, mais bon... Bah oui, c'est ça. Et c'est du bizarre, coup, ça, dis donc. Et surtout que moi, j'étais majeur, alors que lui, non. En plus, du coup, c'est lui qui te l'a... Dans ton cul, au connard. Ah, tu l'as bien dans ton cul, hein. Ah ouais, tu vois, comme au final. Faut, mais bon, T'as fait le malin, Mais bon, d'un côté, c'est vrai qu'entre potes, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, mais que ça se fasse pas, c'est une chose, ça, je suis d'accord avec toi, mais là, à l'envoyer le tout. Le plus qui m'a énervé, c'est quand il m'a dit non, mais j'y ai pensé qu'après. Ah pour oui. Ça, là, ouais. Je me suis mis devant lui, j'ai dit écoute, moi, si je te frappe maintenant, je te dis j'y pense qu'après, ça fait quoi ? Et heureusement qu'il a pas couché avec elle, parce que sinon, comment te dire ? Ah bah, on l'aurait pas retrouvé. Ah bah, c'est sûr. Bon, attends, il y a Mickaël également qui est avec nous, de Lyon, là. Salut, Mickaël. Ça va ? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. On t'a pas eu hier, toi? Eh ben, bien sûr que si. Ah, il me semblait bien, un habitué. Avec un aussi beau prénom, il est tellement rare que je m'en suis souvenu. Eh oui, c'est vrai. Ah bah attends, c'est rare. Hein. Et complètement, complètement, Mickaël. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi aussi, Mickaël? Eh ben, moi, c'était par rapport au fait que des rencontres dans les boîtes de nuit et les bars. Ouais. Et du coup, ben moi... c'est ma gonzesse qui m'a rencontré en boîte. Parce que toi, pote, tu l'as pas rencontré, en fait, c'est elle qui t'a rencontré. Ouais, c'est que elle, Ouais, c'est elle qui m'a rencontré. Moi, j'étais dans un autre délire. J'étais tellement alcoolisé que je voyais plus rien. D'accord. Et du coup, elle m'a repéré par le biais de mon pote, et moi, je la connaissais pas. Et ensuite, c'est elle qui m'a contacté. Et ben là, tu vois, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc... Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, donc du coup, rencontrer les gens au boulot, c'est pas le meilleur, tu vois. Non, bah écoute, c'est le sondage qui était tombé, hein, apparemment. Effectivement, ouais, c'est au boulot qu'on rencontre les femmes, les mecs, enfin bref, la vie amoureuse, a priori en tout cas. Il y a Marie aussi qui dit, moi j'ai rencontré mon copain à la fac l'an dernier, il y a un mois on s'est séparés quelques temps à cause d'une fille qui lui tournait autour. J'en avais pas mal marre, donc on s'est séparés 2 semaines, on est de nouveau ensemble maintenant. Bah très bien Marie. Oh, c'est mignon. Bah, voilà. Oui. Et il y a Yann qui dit, moi mon ex-meuf, je l'ai rencontré sur Instagram et au bout d'un mois, elle m'a quitté pour aller vers un pote. Quel sale. Comment on rencontre des meufs sur Instagram? Ben moi, je ne sais pas faire ça. Mais écoute, communiquer avec elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Charline qui dit, j'ai rencontré ma copine chez son ex alors que je me suis juste rapproché d'elle pour avoir ma chérie. Bah bien vu. Les soirées en boîte, ça déchire. C'est nous qui avons envoyé le message. Et alors Lilo qui dit, je vais demander à Valentin pourquoi je suis célibataire. Ah, écoute, essaye toujours pour voir. Et le principe qui dit, je crois que le cadeau que désirerait Toff, c'est qu'il y ait une bombe ultra méga bonasse prête à tout, rien que pour lui toute la nuit. Oui. Oui, c'est pas mal, mais... Mais bon, c'est un rêve, quoi. Oui, oui. C'est un souhait. Bah, j'étais allé sur Internet et tout, mais j'ai regardé les prix, je me suis dit non, c'est pas abordable. Ah, c'est un budget, hein. Ah bah oui. Ah, c'est un putain de budget, c'est clair. Bon, bah Mickaël, bah merci à toi en tout cas d'être passé, hein. Bah, merci à vous. Avec plaisir, bah, c'est gentil, tu reviens quand tu veux. Gilles, pareil, merci beaucoup. Merci. Salut à vous deux. Tu dis Gilles? Je peux faire un petit dédicace? Allez, vas-y, à une personne, tu connais la règle, je t'écoute. Bah, ce sera ma princesse, hein. Oh, je t'aime. Oh. Bon bah très bien, mais elle s'appelle comment? Sarah, très bien, bah voilà. Bah le message est passé Gilles. Salut à toi pendant qu'elle était avec un autre en plus. Putain c'est dur. Salut Gilles, ciao à toi, bye. Et puis si vous voulez parler, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, n'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 42 48 5000 02 851 4x0, est-ce qu'on a récupéré Vincenzo? Oui. Ah, t'avais raccroché ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Ben j'avais pas raccroché en fait, ça a coupé. Ah d'accord, ok. Bon Vincenzo, du coup on met un peu plus de... On met 10 minutes en plus pour la colle. Vincenzo, vas-y pour la colle et peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre alors qu'il ne sortira que la semaine prochaine. On vous l'offre donc en... Exclu. Exactement. Alors vas-y Vincenzo, répète la colle. Donc, c'est 3 nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Alors, c'est 3 nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? On proposait une lanterne. Non. Non, un coffre. Non plus. Il y a Peach qui proposait une lampe. Non. Non, il y a JC qui proposait une lumière. Pas loin, mais non. Ah, il y a Talibi qui dit une brouette. Possible, mais non plus. Non, il y a Jules Bob qui dit la truelle sur Facebook. Il est loin. Lui. Non, il prend un saut, c'est Emmanuel. Non. Non, un raccourci. Non plus. Une hache. Non. Un râteau. Non. Non, il y a Mitko aussi qui dit pour la colle, c'est la bougie éventuellement. Éventuellement, mais non. Non, c'est pas ça. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Donc, je répète, c'est 3 nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, et dans 10 minutes, eh ben, on va offrir la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne et qu'il donne la bonne réponse, il gagne. Si personne ne trouve ou que celui qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Vincenzo, d'accord? D'accord. Bon, allez, bouge pas de là, Vincenzo. Maxence, tu bouges pas de là non plus. Et on aura aussi le club de golf GTA 5, je vous l'avais promis depuis hier. On va vous l'offrir ce soir si vous voulez tenter de le gagner. facebook.com/mikl officiel. Je vous l'avais promis tout à l'heure. Le son de Lady Gaga qu'on écoute maintenant sur Fun Radio au cœur de plus de 2 heures sans pub. Il n'y a pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. On écoute Applause maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mikl No Limit. On est en direct et on est là jusqu'à 2 heures avec vous sur Fun Radio. I stand here waiting for you. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mikl au 64 900 sur Fun Radio. Exactement, c'est le numéro des SMS. Hein. Débutez le message par Mikl, évidemment, si vous voulez envoyer votre message pour que ça arrive au bon endroit. Donc Mikl, et vous envoyez votre message juste derrière. Il y a Thomas aussi qui dit: j'ai abordé une fille en boîte que je ne connaissais pas. On est resté quelques mois ensemble. J'ai l'étiré une fois, une frigide, une vraie étoile de mer. Du coup, je l'ai largué par téléphone. Pas très cool, mais tant pis. Oui, effectivement, Thomas. Il y a Mikl aussi qui dit: coucou, je vous écoute. Là, c'est la première fois. Déjà, j'aime bien, mais bon, c'est pour savoir c'est quoi ces genres de mecs qui insultent leur meuf, par exemple, juste parce qu'elle veut plus rien avec, car il lui a déjà fait beaucoup de mal. Oh, bah, tu sais, après, il y a des cons partout, hein, mais voilà, ça sert à rien, faut pas taper, pas insulter, ça sert à rien. Il y a Pouta et Namouin qui dit: joyeux anniversaire, Tof, c'est l'anniversaire de Jessica et Zainab aussi. La chanson, s'il vous plaît. La chanson d'anniversaire. Ah oui, bien sûr, attends une seconde, tiens, voilà. Allez, pour ceux qui sont nés un 3 octobre. Ah. Voilà. Il y a Salim qui dit: salut Mikl, ça va l'équipe, vous êtes des bons grâce à moi. J'ai plein d'amis qui vous écoutent. Ah, c'est gentil Salim, merci beaucoup. Voilà. Voilà, bon anniversaire donc à tout le monde. Hein. Ah oui, c'était beau. Eh ben voilà, pas j'aime de problème. Bien cette chanson. Exactement. Et Kamgan qui, j'ai pas eu mon message de bienvenue non plus. Eh ben on va te le mettre, ton message, tiens. Voilà, attends, il est là. Sale con. Voilà, il est bien, et hop. Court, directement droit au but, effectivement. Bon, avant de reparler avec Maxence dans un instant, j'aimerais bien voir l'avis des filles également par rapport aux éventuelles meufs qui tourneraient autour de vos mecs, parce qu'on a l'avis beaucoup de garçons, mais aucun avis de filles. Et Dieu sait qu'à mon avis, vous devez quand même être pas tendre à mon avis avec ça non plus, les filles. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Est-ce que vous avez déjà grillé des filles qui étaient en train de tourner autour de vos mecs? Et comment est-ce que vous avez réussi à les dégager? J'attends vos appels, mesdemoiselles. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis je vous rappelle, eh bien, qu'on appelle encore un petit coup maintenant là. On appelle encore un petit coup. Bah oui, puisque Toff essaye de vendre à des restaurants de livraison rapide, quoi, de l'emplacement publicitaire sur son site internet. C'est ça, qui s'appelle descochonnedesalopes.com. Voilà, et donc, puisque apparemment aux États-Unis, il y a Eat24 qui a décidé, donc c'est une chaîne de restauration rapide, qui a décidé d'abandonner la publicité sur Google, Facebook, etc. Bref, les supports, on va dire, normaux, pour faire de la pub sur des sites de cul, et apparemment, ils ont quand même multiplié par 2 leur chiffre d'affaires, ça vaut peut-être la peine. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Bah, c'est ça. Donc, du coup, on va encore appeler pour voir si on arrive à refourguer de la pub sur. C'est quoi, c'est belle non, non, c'est des cochons et des salopes. Ah oui, c'est ça, des cochons et des salopes.com. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, on verra bien ce que ça va donner. Et puis on aura aussi DVBBS à suivre avec Tsunami sur Fun Radio. Allez, ça va bien décrocher là, il est que minuit 39. Enfin que. Restaurant La Melida, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je m'occupe du site internet desalopesetdescochonnes.com. Oui. Et en fait, voilà, je voulais vous proposer de faire un petit peu de publicité sur notre site internet. Oh, c'est parti, vous appelez? Bah oui, monsieur. Non. Mais si. Non. Il y a pas d'heure pour appeler. Non, mais on a notre site, donc tout est OK. Oui, mais là, je vous propose de faire de la publicité sur notre site, hein, dans peut-être la partie sodomie, ce serait peut-être là que vous auriez le plus de clients. Celle-là, tu la proposes à ta mère. C'est mieux. Bah pourquoi, monsieur? Bah c'est pour vous. C'est ta mère, c'est mieux. Non, pour ta mère, c'est mieux. Mais non, c'est pour attirer des clients. Et comme ça, tu regarderas. Ouais. Non, mais tu la mettras pour ta mère. Moi, je vais te donner les conseils. D'accord? Mais je comprends pas. Tu la mettras pour ta. Ouais, moi, je te tutoie. Et si tu me dis ça, c'est facile d'appeler en masqué. Pour raconter ce genre de saloperie. Mais c'est pas des saloperies, monsieur. En fait, nous, on a un site internet qui s'appelle descochonnedesalopes.com, qui est un site pornographique. Et ça, tu la mets pour ta mère. Ramènes ta mère. Mais non, je veux pas que vous fassiez des vidéos, monsieur. C'est pour faire de la publicité au-dessus de la vidéo. Hein? Ouais, celle-là, tu proposes pour ta mère, si t'as une sœur, ou peut-être que t'es un petit bâtard, que t'es tout seul. Et voilà, je vais être cru, et mais c'est sincère. Ce que je dis là, moi, c'est sincère. Mais je comprends pas. D'accord. Non, mais non, je comprends pas, monsieur. Moi, je... ben, si vous comprenez pas, eh ben, réfléchissez, faites travailler pour vous-même. Vous mais êtes dans la communication fais. Et vous me parlez de communication, de sodomie ou de tarasse ou je ne sais rien, moi, de ce que tu à cette heure-là. Donc. Mais non, monsieur, en fait, moi, emmerder quelqu'un d'autre. Emmerder quelqu'un d'autre. On s'est pas compris, monsieur. Moi, je vous propose de faire de la publicité sur notre site pour attirer des clients chez vous. Hein? Non, j'ai pas besoin de vous. Merci. Bah, c'est dommage, monsieur, parce qu'on a quand même une très grosse fréquentation. Hein. Hein, mais, si, ouais. si, mais si vous aimez pas la partie sodomie, je peux vous mettre dans la partie lesbienne, y a pas de souci. Mais c'est toi la lesbienne, tu ramèneras pour ta mère. Mais tu vois? Et je maintiens. Ta mère, elle doit faire ça. T'as vu ça de ta pure enfance, tu dois voir ça. C'est malheureux, hein. Va te soigner. Il est au taquet, lui. Hein. On va le rappeler? Bah oui, un petit. Il avait l'air tellement gentil. Allez hop. Retour dans le. Bah, je sais pas ce que c'est comme restaurant, mais on y va. On y retourne. En tout cas, très gentil, très charmant, cordial. Très gentil. Allez, on y va, c'est reparti. Allez. Oui, monsieur, ça se fait pas en fait de raccrocher comme ça. Bon, vous allez arrêter maintenant d'emmerder votre monde? Mais je vous emmerde pas, monsieur, je vous appelle pour vous faire gagner des nouveaux clients en faisant de la publicité sur des salopes et des cochonnes.com. C'est vraiment, enfin, monsieur, c'est vraiment cracher sur du chiffre d'affaires. Ouais, j'ai pas besoin de votre chiffre d'affaires, d'accord? Alors, s'il vous plaît, oubliez-nous. Je vous dis au revoir, d'accord? Bah oui, mais c'est pas gentil, monsieur. Ben, j'ai pas à être gentil. Je ne suis pas gentil. Naturellement, je suis pas gentil. Et ben, j'ai pas envie d'être gentil. Et ben, ça n'est pas commercial, ça, monsieur. Ben, je suis pas commercial. Alors, donnez-moi votre nom, donnez-moi votre numéro de téléphone. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff. Voilà. C'est ça, Toff. Oui, c'est moi. Bah, allez, au revoir, bonne nuit. Allez dormir. Top, ouais. Il se fout de ta gueule, mais d'une violence. Ouais, je suis assez déçu. Ah, il s'est foutu de ta gueule, mais méchamment, là. Ouais, franchement, je suis... Il a même pas pris ton numéro de téléphone. Non, je suis hyper T'as vu un peu? Putain, quelle déception. Ouais. Hein. Bon, allez, restez sur Fun Radio. On appellera d'autres numéros tout à l'heure, et puis je vous cale aussi DVBBS tout à l'heure avec Tsunami. Je vous cale aussi Calvin Harris. Et si vous voulez écouter un son en particulier, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. On écoutera aussi Capital Cities. C'est ce qui va arriver avant 2h du mat sur Fun Radio. Il y a entre autres des sons que vous allez choisir, ne vous inquiétez pas. Et puis on fera aussi tout à l'heure le top tweetos pour savoir lequel sera l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent avec le hashtag Mickaël. Est-ce qu'on a déjà une petite tendance là? Si tu attends 10 secondes. 10 secondes, oui, je peux attendre 10 secondes effectivement. Donc le principe est simple, vous lâchez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Et puis bah on a un petit internet qui calcule le nombre de messages que vous avez postés et du coup on peut savoir quel est le top tweetos, quel est le numéro 1 et on fait les 5 premiers tous les soirs. On peut faire les 5 premiers maintenant, tiens, pour voir un peu la tendance maintenant. Tu veux les 5 premiers? Allez, vas-y. Alors, Mr. Steven en 5. Ouais. Alors ensuite c'est Black Star Bravo 9. Ouais. Qui est 4ème. D'accord. Le Prince Nadia 3ème. Numéro 2. God Bless Holly. Ok, et numéro 1. Let's Be Free. Est-ce qu'elle a beaucoup d'avance ou est-ce que c'est rattrapable? Bon, c'est rattrapable, mais elle en a quand même pas mal. Hein. Elle a beaucoup d'avance. Tu veux le. 60 tweets d'avance. Ça va, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Bon voilà, il vous reste 1h15 pour tenter de battre le Let Be Freaks. Ou en tout cas de vous retrouver dans les 5 premiers du top tweetos ce soir. Hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages. Et puis bah bien sûr, avant 1h, avant 2h du mat, on donnera les résultats sans problème. Il y a Nanou qui dit la partie lesbienne, pété de rire. Oui bah c'est ça. Si cela dit, vous voulez faire un peu de pub sur le site de Toff. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Il y a Tony aussi qui dit mort de rire, super l'appel de Toff, propose à sodomie à ta mère. Oui, il va prendre note, ouais. Et Hansen qui dit un joyeux anniversaire à Christophe, je veux bien être son cadeau. Bah écoute, avec plaisir. Bah voilà, et Nanou qui dit je kiffe la voix de Toff, Mr. Steven qui dit tu devrais le créer réellement ce site Toff, tu ferais un malheur je pense, avec que des vidéos de Toff. Oui, je ne mettrai que des vidéos moi. Et Lilou qui dit je veux faire la musique d'anniversaire en live pour Toff. Ah bah écoute, bien sûr, appelle le standard 01 42 48 5000 et puis on verra comment ça se passe justement dans un instant. Alors, on va parler avec Jimmy aussi dans quelques minutes. Bonsoir Jimmy. Bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Bien et vous? Bon écoute, plutôt pas mal Jimmy, t'appelles de Bordeaux toi et on parle de quoi dans un instant avec toi? Mais j'ai fait un plan à trois avec ma copine et une de ses meilleures amies. Ah sympa, elle était bien la meilleure amie? Ça va passer. Bon, ben on ça va en passer. Ouais, ça passait. On va en parler dans un instant. Si vous avez déjà fait d'ailleurs des plans à trois, comment ça s'est passé? Genre improvisé, genre vous avez préparé, vous avez demandé, c'est votre copine qui est arrivée avec le dossier, c'est vous. Toi, c'est quoi, Jimmy? C'est toi qui as demandé? C'est arrivé tout seul? Non. C'est, j'allais la voir un week-end et en fait, on s'est retrouvés tous les deux et le soir, sa copine elle est arrivée. Je me suis présenté comme ça. Ah ouais, ça c'est, t'as sauté sur l'occasion. Enfin, sur les occasions. Ouais. J'avais, bien fait. J'avais pas laissé tomber ça. Bah ouais. C'est ça, ça n'arrive pas tous les jours, surtout quand ça tombe du ciel comme ça. Bon, bah très bien Jimmy, on en parle dans quelques minutes. Bouge pas de là Jimmy. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Venez nous parler de ça les filles, les garçons également. Et puis on va donner la réponse maintenant à la colle. Allez, c'est parti Vincenzo. Oui. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant un gagnant ou une gagnante, celui ou celle qui va peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on vous offre donc en exclu. Oui, bien sûr, très bien. Allez, c'est parti, on y va, Vincenzo, la personne qu'on appelle maintenant, soit elle décroche, elle donne la bonne réponse et elle gagne et tu perds, soit elle ne décroche pas ou elle n'a pas la bonne réponse et à ce moment-là, tu gagnes. Allô ? Allô ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Aïe, Baptiste. Fais attention, tu viens de tomber, Baptiste. Non, j'ai tapé dans une chaise. Ah, normal. Bon, Baptiste, il y a Vincenzo qui a une colle à te poser. C'est parti. Vas-y. Donc, c'est trois nains qui vont à la mine. Le premier prend une pelle. Le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Eh ben, il prend la tête. Vincenzo. À gérer. Allez. À gérer. Eh ben, bravo, Baptiste. Merci. Ah bah je t'en prie, la PlayStation 3 elle est pour toi et puis on va te filer également le jeu qui va bien avec, hein. C'est le jeu Beyond Two Souls qu'on t'offre en exclusivité. Évidemment, voilà. Eh bah bravo à toi en tout cas Baptiste. Avant toute chose, je pourrais passer une dédicace. Allez vas-y, t'auras gagné ça au moins, dis-moi, vas-y fais péter à une seule personne, hein, Vincenzo, tu connais la règle. Une seule personne, ouais. Donc je passe une dédicace à toute l'équipe. Je te dis voilà, en donnant un double chargeur à mon petit frère, voilà. Et je t'aime ma chérie, tout ce que j'avais à dire. Très bien, et ben voilà, c'est de trop, Vincenzo, hein, parce que par rapport à une. Personne. Je suis désolé, bon ben je mérite un coup de pelle alors. Hein. Oui, effectivement, puisque tu le proposes. Voilà, effectivement. Ah. Bon, allez, Vincenzo, tu rejoues avec nous quand tu veux, il n'y a pas de problème. Salut à toi. Ça marche. À bientôt. Et Baptiste, eh ben, bravo, PS3, le jeu Beyond Two Souls. On va t'offrir ça, on va prendre tes coordonnées avec Sandro, standard. Ça déchire, ok, merci. Avec plaisir, t'écoutes depuis longtemps, Baptiste, l'émission ou pas? Ouais, c'est longtemps, ça va. Ah bah très bien, bah écoute, tant mieux. Alors, hein, n'oublie pas de prévenir tes potes, hein, qu'on est là tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, 23h-2h, et le dimanche, évidemment, de 20h à minuit. Salut Baptiste. Si j'y penserai, bisous. Parfait, je compte sur toi, à bientôt Baptiste. Et puis il reste aussi le club de golf que je vais vous offrir. Alors, ceux qui viennent de débarquer, se dire, qu'est-ce qu'ils offrent un club de golf? C'est parce qu'on est classe. Ouais, on a la classe, exactement. Ah. Non, on vous offre le club de golf GTA 5. C'est le club de golf que les mecs dans GTA 5 utilisent pour péter les voitures. Alors attention. Vous n'allez pas faire pareil, c'est une pièce de collection qui vaut 200$. Non, qui vaut 200$ et je vous l'offre ce soir, voilà, sur le Facebook de l'émission. Allez-y, facebook.com/MIKL officiel. Et si vous êtes tir au sort avant 2h du mat, je vous l'offre votre club de golf. Et puis bah, si vous êtes genre pas loin de la radio ou on peut vous le livrer en personne, et si jamais bah, vous êtes un peu plus loin, bah faudra attendre que le courrier, enfin qu'on vous l'envoie par la poste, quoi, voilà. En plus c'est bien lourd le truc. Ça a donc, du mal de passer dans la boîte aux lettres. En plus, ouais. Donc facebook.com/MIKL officiel, voilà. Alors, on va récupérer maintenant Maxence qui nous avait appelé, Maxence, parce qu'il y a un mec qui tourne autour de ta meuf, c'est ça? Ouais. Voilà, tu savais pas comment t'en débarrasser. Et j'avais demandé l'avis des filles aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les filles, d'avoir des mecs, d'avoir des meufs qui tournaient autour de vos mecs? Et on a Laura avec nous, 19 ans de Nîmes. Bonsoir Laura. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Laura? Très très bien et toi? Eh ben très très bien également. Ah et ça y est, Toff est excité là, c'est combien parti. Bonjour Laura. Salut. Bonjour. Allô Laura. Combien mesures-tu? Oh, 1m60. Combien pèses-tu? 48 kilos. Il faut manger maintenant hein Laura. Oh, attends, 48 c'est bien. Oh, quel est ton tour de poitrine? 95B. Ouais. B comme Bénédicte? Oui. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ouais mais déjà maquée, qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est pas grave, c'est que pour le fantasme, t'emmerde pas. On n'est pas dans le détail nous, t'inquiète pas. Bon alors Laura, toi tu voulais réagir aussi donc par rapport à Maxence, donc lui c'était sa meuf, il y a un mec qui tournait autour de sa meuf. Et toi, et comment t'as débarrassé, tu t'es débarrassé d'une vermine qui tournait autour de ton homme? Au début, j'ai embrassé mon mec devant elle, bien comme il fallait pour bien marquer. Avec le coup. Toute la salive qui dégoulinait de partout. Ouais, voilà, bien dégueulasse. Elle a continué. Je lui ai fait une pipe. Elle a toujours pas compris. Non, je lui ai pété deux doigts en fait. Elle a mis sa main sur la cuisse de mon homme et j'ai pris la main et je lui ai pété deux doigts. Ah oui, quand même. Tu toi t'es quelqu'un de très classe, très cool. Oui, voilà. Il faut pas te chercher quoi. Non. Ouais. Tu vas te faire enculer, connard. Ouais. Faut pas t'énerver quoi. Non, voilà. En général, ceux qui me connaissent, ils le savent et oui, ils mais me maintenant, cherchent pas. Maintenant, on te connaît aussi. Je pense que nous allons effectivement rester là. Hein. D'ailleurs, si on avait su avant, Toff n'aurait même pas osé faire les chiffres. Il n'aurait pas osé. Je m'excuse, hein, vraiment, je voulais pas. C'est parti tout seul. La musique était là et je me suis emballé. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis désolé. Un drame, quoi, un drame. Bon, attends une seconde, il y a aussi Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien. Sébastien ? Oui. Ça va bien ? Oui, toi. Bah oui, ça va tranquille, ouais. T'appelles d'Orléans, toi. Ouais. Alors, toi aussi, t'as déjà eu le cas, toi, un mec qui tourne autour de ta meuf ? Non, moi, c'était juste par rapport au sondage, là, Donc, j'ai rencontré ma copine sur un site de jeu, quoi. Ah oui. Donc, sur un site de jeu ? Ouais. C'est-à-dire ? Bah, sur un site de jeu, sur Internet, et on a commencé à discuter comme ça, en simple joueur. Puis après, tu l'as en aiguille, on est passé amis, puis maintenant, on est ensemble, quoi. Non, c'est bien, ça fait combien de temps ? Il l'a plumé au poker, et maintenant, il l'héberge, quoi. C'est ça. Non, c'est depuis... on se connaît depuis 2007, et on est ensemble depuis 2010, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, quand même ! Ouais. Comme quoi... Et toi, tu l'as rencontré où, Laura, ton mec ? Au lycée. On était en cours... Je crois que t'allais dire Oli. Me dis, comment ça, t'as rencontré ton mec Oli ? Je comprends pas... Parce que quand on s'est rencontrés, il m'a monté dessus et on était juste potes, on était informés en commun. C'est ça, il m'a sauté dessus, il me faisait des bisous partout, enfin, il n'arrêtait pas. Mais je lui ai mis un gros râteau et c'est après, quelques mois après, on parlait par message et du coup, ça s'est fait tout seul. Mais au début, je lui ai mis un gros râteau. J'ai peur, j'ai cru que t'allais dire, je lui ai mis une grosse patate. Mais ouais, c'est ça. Moralité, quand vous prenez un râteau avec une fille, c'est jamais perdu. Non, c'est vrai. La preuve, voilà. C'est des girouettes. Voilà, je dis ça, c'est surtout pour faire plaisir à Toff. Ah, bah c'est gentil. Voilà, donc quand il se prend un râteau, rien n'est jamais perdu. Ouais. Il s'est déjà pris des râteaux plusieurs fois avec Polo, ça ne veut pas dire qu'il lâche l'affaire. Non, mais t'inquiète pas, je sais que Polo, mais au fond de lui. Ouais. Ouais. C'est toi qui aimerais bien être au fond de lui. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Mais je sais qu'au fond de lui aimerait bien que je sois au fond de lui. Ah, d'accord, ok, c'est tout psychologique. Totalement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est de la psychologie même, effectivement, oui, tout à fait. La psychologie inversée. Exactement, oui. Bon, attends, on a Adrien aussi qui est avec nous, là, d'Ariège, de l'Ariège. Salut, Adrien. Salut, les gars. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Bon, ça va bien aussi, ouais. Tranquillement, Adrien, à la cool. Ouais, bon anniversaire à Toff aussi. Ah, merci, écoute, merci. Ça y est, tout le monde va lui souhaiter un anniversaire maintenant, tiens. Je rappelle, vous pouvez spammer sa boîte, hein, surtout les mecs, toph@funradio.fr. Je répondrai. Bah oui, il s'engage à répondre à tout le monde, en effet. Bon, alors, Adrien, comment ça s'est passé, toi, avec ta meuf ? Ben, en fait, il y a quelques années, ouais, j'étais avec une fille, et en fait, on a fait une soirée chez elle, je devais aménager avec elle, en fait, et le truc, c'est que dans la soirée, elle s'est éclipsée avec son ex et en fait, je les ai retrouvés dans le lit en train de coucher ensemble, en fait. Putain, quelle angoisse. Ouais, ça a fini en bagarre et voilà, quoi. Après, ça m'a foutu les boules, quoi, c'est normal. Bah, je veux bien croire. Ça l'ensemble tout en plus, donc ça fait chier, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Une fois que tu les as vus, tu leur as dit, t'as fait semblant de rien, tu t'es barré, c'est passé quoi ? Ah non, j'ai de suite plaqué le mec, j'ai sauté dessus, je l'ai tapé, et la fille je l'ai insulté, et après je me suis barré, quoi. J'ai fait, ouais, voilà, quoi. Après, genre ça ? Enculé de ta mère, t'es... Non, ouais, t'as pas fait en mode Carlo ? Espèce d'enculé, t'es... Non, j'ai fait pire que ça, je crois. T'as fait quoi, t'as fait ? Espèce de petit pili de merde, va ! Non ? Non plus. Où ça ? Espèce d'enculé, va ! Non ? Je pense que t'auras pas, je pense. Ah, ou attends une seconde. Va te faire foutre, connard. Non. Non plus. Alors celui-là, il est gentil, mais on sait jamais. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Non. Alors celui-là. Ça va te faire enculer, connard. Non. Non plus. Celui-là. Tu vas t'archer ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Non. Bah non, forcément. Ah bah oui, forcément, peut-être qu'il le faisait, mais pas avec la bonne. Sale con. Non. Non plus. Ah oh, putain, mais non là. Vous vous faites chier. Ouais, bon bah tant pis alors, effectivement. D'accord, ok. Peut-être que tu as été t'as été plus rude encore que toi. Ah, parce que bon, tout ça c'est des insultes que toi t'as pris dans la gueule. Oui, hein. oui, j'ai à un moment ou à l'autre. Beaucoup, hein. Bah oui, quand on faisait des appels. Donc c'est pour vous dire. Donc t'as peut-être été encore plus virulent, Adrien. Bah écoute, le principal c'est que ce soit plié l'affaire, hein. Ouais, après voilà. Tu l'as pas récupéré la meuf? Bah non, bien sûr que non. Elle a essayé de me récupérer, elle a essayé, elle m'a rappelé, mais je lui ai dit que c'était t'as pas lâché la peine. D'accord. Bah ouais, direct. Enfin, je pourrais pas quoi. Moi, tu sais, je pourrais pas retourner avec une meuf qui me fait cocu quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. Alors que toi, tu l'as déjà fait pour cocu plusieurs fois, c'est pas grave. Non, quand même pas. J'aime bien le quand même pas. Bon, bah merci en tout cas, Adrien. Merci Sébastien. Merci Laura. Bah, merci à vous. Merci à toi. Bisous, et gros bonne bisous soirée. Tout le monde. Et merci à Maxence également. Et puis Maxence, bah écoute, au final, t'inquiète pas. Hein, je crois que tu peux avoir confiance en elle. Hein. Ouais. Si elle te le dit, qu'elle en a rien à foutre. Et puis si vraiment elle cède et qu'elle va avec lui, bah c'est qu'elle mérite simplement que tu la vires, quoi, tout simplement. Hein. Mm. Bah oui, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, en tout cas, je pense. Tiens-nous au courant, en tout cas. Ouais, bah y a pas de problème. Bon, ça marche. Salut Max. Ouais, je pourrais faire une petite dédicace. Super. Allez, vas-y, profite à une personne. Vas-y, on t'écoute. Bah à Maud, donc ma cousine, et puis. Et puis voilà, ben voilà, très bien. Ça fait une personne. Eh ben oui, ça fait une personne, hein, c'est simplement. Eh ben pas de problème, Max. Passe une bonne soirée en tout cas, l'écoute de Fun. À bientôt. Hein. Ouais, à bientôt. Salut, ouais. Ciao. On aura dans un instant Jimmy là qui voulait réagir par rapport au plan 3. On aura Mehdi le Marseillais d'hier. Comment il va le Marseillais? Allô. Eh, ça va ou quoi, Mehdi? Ouais, ça va. Par contre. Ouais. Tu peux me rappeler sur l'autre numéro parce que j'ai plus de batterie. Là, ouais, on va te rappeler là. Je te repasse Sandro, Mehdi. T'as vu, ouais. Paris a fait comme Marseille, hein. 3 buts. Ah ouais. Mais ils les ont mis. Ah ouais. Ah ouais. Bon, non, ça ira mieux, mais ça ira mieux au prochain match. On va les gagner, du mais oui, au prochain match, ça va aller, Mehdi. On a confiance, mais t'inquiète pas. Mais évidemment. Bon, à tout de suite, Mehdi. On te rappelle dans un instant. T'inquiète pas. Et puis, il y a le club de golf aussi que je vous offre dans un instant aussi sur Fun Radio. D'ici 20 minutes. Voilà, bon, il est minuit. On va dire, il est 1h. 1h20, je vous offre le club de golf. À vous de jouer si vous voulez gagner. Facebook.com/MIKL officiel. Et puis, si vous êtes tiré au sort, je vous offre votre club de golf spécial GTA 5 objet collector qui n'est pas en vente. Et qui vaut dans l'absolu 200$. Bon, enfin même plus, puisqu'il n'est pas en vente et c'est un objet collector. Donc pour oui, les vrais collectionneurs, c'est plus. Mais c'est voilà. Le prix du club normal, quoi. Voilà, le club normal non spécial GTA 5, bah ça vaut 200$. Donc celui-là vaut plus dans l'absolu. Voilà, donc en tout cas, bonne chance. Facebook.com/MIKL officiel. Et puis on s'écoute le son de DVBVS maintenant sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. C'est Tsunami sur Fun Radio. Je vous cadrerai aussi tout à l'heure la Capital Cities. Et puis si vous avez des soins à proposer, #MIKL sur le Twitter, vous balancez tous vos messages. Et on lit d'ailleurs vos messages dans un instant, juste après DVBBS sur Fun Radio. Bonne nuit. DVBBS sur Fun Radio avec Tsunami. Il y a Enzo qui dit le club de golf pour jouer au golf, non? Bah si, tu vas pouvoir jouer au golf. Hein. C'est un vrai club. Hein. Ouais, je pense, pas déconner. Je connais rien en golf, mais ça a l'air. Oui, c'est un vrai. Il y a la photo d'ailleurs sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Il y a Mister Steven qui dit tof, il a trop pris d'insultes dans la tête. Mais il se relève à chaque coup, c'est comme un guerrier. Ouais. Je suis un warrior. Ouais, bah tu vois qu'il a 33 ans depuis aujourd'hui. Hein. Comment te dire que la voix, même la voix s'en je bat. Je suis comme le roseau, je plie mais je ne cède jamais. Ouais, oh, c'est ça, ouais. C'est beau. Ouais, oui, c'est beau. Et Begumi qui dit tof est tellement en chien qu'il bouffe à tous les râteliers. Bon, oui, et encore, si tu savais. Moi, c'est demain mon anniversaire, j'ai pas envie de vivre, c'est le prince Nadia. Ouais, mais de toute façon, tout le monde y passe, hein, t'inquiète c'est pas. C'est bien parti le prince Nadia. Ah ouais, il y a Thomas qui dit au début de ma rencontre avec ma meuf, j'étais hyper jaloux. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais laissé partir mort de rire. Et Lilou qui dit baisons mes amis, baisons. Oh, oui, tous ensemble, voilà. Baisons. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Tous. Sur Fun Radio de la classe, c'est Nanou qui avait envoyé le message et Lucas qui dit on laisse pas tomber une occasion pareille d'avoir un plan en 3. Bah non, évidemment, non. C'est vrai que ce serait con de la laisser tomber cette occasion là. Bon, je vous laisse encore donc 15 minutes hein, pour choper votre club de golf, le club de golf GTA 5, club de golf collector, c'est un vrai club de golf, bien lourd, bien tout ce qu'il faut. Et en plus c'est une marque, mais j'ai oublié la marque, mais c'est une vraie marque. C'est Stainless, voilà, c'est ça. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, moi je connaissais pas, mais apparemment c'est une bonne marque. Et donc ça vaut quand même 200$ le club de golf normal. Et là c'est un spécial GTA 5 collector, un vrai de vrai, qui n'est même pas disponible à la vente. Je l'ai chopé dans un GTA Store. Waouh. Voilà. Oh là là, dis donc, ensemble et tout. Tu l'as volé beau. Ou Ah non. On me l'a filé pour vous l'offrir, pour vous l'offrir. Non, je l'ai pas piqué. Non. Mais par contre, il y en avait qu'un seul. Il y en avait beaucoup des vautours autour du GTA Store. Hein. Ah ouais, je peux vous le dire. Ah bah oui. C'est oui. Gentil. Voilà, ils viennent de Bruxelles, c'est pour un être trophée. Précis. Et oui, c'est un peu ça, c'est un trophée, effectivement, que vous gagnerez peut-être ce soir. Donc si vous voulez le gagner, rendez-vous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/ et Mickaël officiel. Retour avec Mehdi dans quelques instants, mais avant ça, il y a Jimmy qui est avec nous, qui nous avait appelé parce que bah il avait l'occasion de tester un plan à 3 avec sa copine et la meilleure amie de sa copine. C'est bien ça, Jimmy ? Jimmy ? Oui, oui. Ah voilà, c'était bien ça ? Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Parfait. Et donc, tu nous appelais pourquoi en fait ? Juste pour te pavaner ou pour un truc en particulier ? Non, non, c'était pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui l'avaient déjà fait ou savoir si c'était... Pourquoi tu veux organiser une partouze ? Ouais, c'est ça, et en fait, tu veux faire un club ? Non, non. Dans plan 3, non, mais... moi, j'ai jamais fait, je suis pas trop... c'est pas un truc qui m'intéresse le plus que ça. J'ai jamais fait non plus, mais j'attends. Ouais, il attend, il attend la bonne. J'attends deux bêtes. Enfin, il attend les bonnes, en l'occurrence. Deux bonnes salopes, là. Ouais, écoute, Etoff, lui, il a déjà essayé un 3. Ouais, j'ai essayé à toi, mais je garde un super mauvais souvenir. Il y avait que trois garçons. Ah non, non, non, mais non, il garde un mauvais souvenir, mais les meufs aussi gardent un mauvais souvenir. Non, mais alors. Si, si, alors je vous explique. Je veux l'anecdote. Nouvelle anecdote, ah, musique de l'anecdote. Alors, attendez, ce fils la ramène un peu, il faut remettre quand même l'église au milieu du village. Alors ouais. Attention. Donc, c'était un soir, on était à la radio. Et on parlait de ça, je pense, un truc à plan 3 ouais, ouais. aussi, maman. Ouais, ouais. Et puis il y avait deux meufs, des liégeoises, si mes souvenirs sont bons, qui avaient appelé d'ailleurs, qui nous écoutent. Liège, hein, pour les gens qui comprennent pas. Ouais, qui viennent de Liège, donc qui, si jamais elles nous écoutent, qu'elles nous appellent, hein, 02-851 4x0. Donc du coup, donc deux liégeoises, donc elles appellent la radio, machin, Toff discute, les meufs, ouais, on est là, on est bonnes, elles nous envoient une photo d'elles à poil, donc véridique pour le coup, on l'a vérifié, on leur a demandé d'écrire un truc sur leur peau pour être sûr que ce soit bien elles. Ouais. Donc effectivement, véridique. Et puis Toff qui essaie de me la faire à l'envers, je quitte la radio, je lui dis bah tu vas pas, il dit non, j'ai rien à foutre, c'est trop loin Liège, c'est trop loin, je vais pas. Bon, le lendemain, bah, c'était le samedi je crois, ou vendredi, enfin je sais plus. Et puis il y a une des meufs qui m'envoie un message sur Facebook, qui me dit ah putain ouais. C'était un connard. Hein ? Je dis mais il m'a dit qu'il avait pas été. Et en fait apparemment, il aurait été, mais t'as été un trou du cul, quoi. Le mec, il était même pas été avec une bouteille de champagne. Bah non, attends, tu voulais que je fasse quoi ? Bah apparemment, t'as raconté ta life, elle voulait simplement se faire démonter, et tu leur aurais dit, si, c'est ce qu'elles avaient dit, moi j'étais pas là pour vérifier, tu leur avais dit, ouais, mais moi j'ai besoin d'un minimum de romantisme, je peux pas arriver comme ça. Alors c'est ça qui va le plus, trouver le cul. Bah, bien sûr, un petit peu de poésie, merde. On non, mais t'es sérieux, hein. Quoi ? T'as niqué ton coup pour un coup de poésie. Ah non, il a pas niqué son... Ah et ouais, niqué son coup, ça ouais. Enfin les deux en l'occurrence ouais. Hein. Mais et alors d'après ce que Toff a dit, c'est qu'il était intéressé par la bonne, mais c'est la moche qui était venue vers lui. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup souffert de cette histoire. Du romantisme. Bah oui, voilà, c'est ça. Tu as été touché psychologiquement. Ah c'est dur hein. Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ah ouais, c'est dur à dire. Vas-y, réessaye, psy. Psychologiquement. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Ouais, mais ouais, il a certainement été touché psychologiquement. Ouais, mais ce serait bien, les filles, si vous êtes, si vous vous reconnaissez dans l'histoire, là, appelez-nous. Hein, si, bah, forcément, si vous êtes à Liège, vous appelez le numéro pour la Belgique 02-851 4x0. On attend votre appel ou vous me faites un mail, hein, mikael@funradio.fr, pour qu'on puisse avoir cette espèce de battle. Ah. Bah, d'ailleurs, Sandro était là avec Néo à l'époque. Elle se souvient de l'histoire. Là, bien sûr, je m'en rappelle. Bah, évidemment, elle se souvient de. C'était énorme. Eh oui, elle se souvient de l'histoire. C'est vrai, j'avais oublié. On avait eu le débrief après et tout. Exactement. Ouais. Mais bon, on saura pas la vérité parce que le débrief était pas le même dans la bouche de Toff et dans la bouche des meufs. Donc. Ouais, mais elles étaient deux quand même. Après, c'est vrai, ouais, c'est des copines, bon. Elles peuvent se mettre d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on saura pas vraiment. On saura pas c'est vraiment. Merci, comme ça. Merci Sandro de me soutenir un peu. Ouais, oui, c'est ça. Quelque chose en ce moment. Dis-nous la vérité, Toff, pour ton anniversaire. C'est ça, c'est ça. Non, la vérité, c'est que je voulais du romantisme, je voulais des fleurs, de la musique, du champagne et j'ai rien eu. Quel connard alors, mais c'est ça, du champagne. Elle aussi, elle voulait du champagne, tu l'as pas ramené ? Bah, ils en avaient plein, ça sert à rien. N'importe quoi, mais oui, mais c'est ça. Et il y a Lucas qui dit, Toff qui se dit tout le temps super intéressé par le cul et qui va raconter sa life un bon coup. Bah, c'est ça. Et alors, il y a Tony qui dit trop classe, Mickaël, en mode premier du top tweet. Ah bon ? J'ai même pas vu, tiens. Bah, merci en tout cas pour à tous ceux qui nous ont mis justement au premier ce soir. Hein. Merci à vous. Et puis, Toff, le warrior de la radio. Il y a également, j'ai pas eu mon message de bienvenue, merci. C'est Kamgan. Alors, attends, ton message de bienvenue, je vais te le mettre là, tu vas voir. Hop là, il est là, tiens. Je le mets dans le cul. C'est bon maintenant ? Voilà, tu te mets dans le cul, ton message de bienvenue. Bon, il y a également Adrien avec nous qui voulait également réagir à Jimmy qui avait fait un plan 1-3. Salut Adrien. Salut toute l'équipe, c'est Mickaël. Comment ça va? Bah ça va, joyeux anniversaire à toi. Hein. Eh merci, ben voilà, merci. Message est encore une fois passé. Ouais. Hein. Et les filles, j'aimerais bien voir aussi vos expériences, hein, si vous avez déjà fait un plan à plusieurs. Enfin un plan à trois, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est votre mec qui a mendié? Est-ce que c'est vous qui avez proposé? Bref, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon Adrien, ça s'est passé comment toi dans Lyon? Moi, bah, en fait, c'était pour mon anniversaire, donc c'était carrément génial, c'est elle qui m'a offert ça en fait. Ah ouais. Ah, c'est sympa, t'as une copine cool toi. Ah putain, un cadeau d'anniversaire, ouais sympa, ouais, original. Ouais. On s'est pas à la maison, il y avait sa copine et tout. Ouais, et, mais t'avais déjà demandé, dit, t'avais déjà demandé ou elle a improvisé? Non, même pas, c'est elle, vraiment, voilà quoi, comme ça. Donc moi, je me suis senti un peu au dépourvu, je me dis voilà, pas prêt, rien du tout. Et en fait, c'était carrément génial, il y a juste eu un oups, on va dire. C'est-à-dire? En fait, sa copine, elle était carrément plus bonne qu'elle, en fait. Merde. Ah, donc t'as bien kiffé, quoi. Ah, mais carrément, en fait. Carrément. Mais t'es encore avec la meuf aujourd'hui? Ah non, je suis avec sa copine. Oh, quel enculé. Et tu vois, Adrien, là, tu viens de tuer le délire de toutes les meufs qui étaient en train d'hésiter à se dire « Bon, allez, je vais le faire pour lui faire plaisir. » Et là, je suis à la place des meufs, je dis « Quoi ? Va aller vous faire enculer tous, ouais, quoi. » C'est-à-dire que ça, c'est le truc qui fait que les meufs, elles bloquent, et là, tu viens de tout niquer, quoi. Ah putain, là, tu viens de tuer le coup de tous les mecs qui voulaient un plan à trois, quoi. Ouais, le dernier. Ah ouais, ça, t'as eu la chance, effectivement, ouais. Et comment ça s'est passé ? Parce qu'au final, sa copine, à elle, est venue avec toi, donc au final, voilà, c'est fini, vous parlez plus avec l'ex. Ah bah elle est partie avec mon meilleur pote, donc comme ça on est... Ah oui, comme ça reste dans la famille, quoi. Ouais. Et ton meilleur pote était avec ta meuf actuelle? Ah non, il était même pas au courant. Ah, fait, dommage. Il était même pas au courant qu'il est avec ma meuf, du coup. Ah oui, ah d'accord, ok, donc il est au courant de rien, très bien. Ouais, Et bon, et du coup t'as une nouvelle copine qui est donc a priori bonne. Elle t'a proposé un plan 3? Non. Ah, il faut que il faudrait que t'insistes, hein, parce qu'au final, tu vas commencer à gravir les échelons, tu vois. Bah, comme ça, tu vires celle-là qui était bonne pour avoir une encore plus bonne, et ainsi de suite. Hein. La pyramide. C'est qu'en fait, la première fois qu'elle m'avait proposé, c'était avec mon ex, donc on avait déjà testé, mais que je la connaissais forcément. Ah merde, ouais. Ah bah oui, non, ouais. Avec l'ex, ça sert à rien. Mais éventuellement, s'il a une copine qui est un peu mieux encore. Ouais. Elle est là, ta copine, Adrien? Non, du tout. De quoi? Non, elle est pas là, elle est pas là. Ah merde, c'est bien, c'est con, j'aurais bien voulu lui parler pour voir un petit peu là comment ça s'est passé. Ouais, bah si elle écoute, elle sera carrément d'accord en fait, parce que j'ai découvert qu'elle était beaucoup plus bonne, parce que franchement, j'ai jamais vu une meuf qui suçait aussi bien. Oh. Ouais. Ah bah oui, mais ça, après. Royal quoi. Oui, mais permets-moi de te dire que une meuf, c'est pas parce qu'elle est bonne, enfin c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle suce bien. Elle peut être moche et bien sucée ou inversement. Ah là, elle est tout. Elle est belle, elle est raffinée et elle fait ça rapidement. Ah bah alors. Ah bah écoute, c'est ça. Moi j'ai toujours dit que les meufs qui suçaient le mieux, c'était les moches. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mais parce que non, d'après Toff, elles se donnent la peine de faire bien parce qu'elles sont moches et elles n'ont pas d'occasion de... Mais c'est Toff, je cite. Donc je cite deux points, ouvrez les guillemets. Ouais. Donc c'est citation de... Ma théorie, c'est qu'en fait, les moches... Qui a dit? C'est comme moi, elles sont obligées de bien faire parce qu'elles sont moches. Tu comprends ce que je veux dire? Comment il se la ramène? On a pas le choix. Comme ça, il se dit moche, les meufs vont dire « Oh mais non, mais t'es pas moche !» Et à côté de ça, il se dit « Bon coup, parce qu'il est moche !» Quel enculé. Mais on a pas le choix, on est obligé. Mais arrête. Si t'imagines, moche et mauvais coup, bah c'est la catastrophe. Ah oui, là pour le coup, ouais, moche et mauvais coup, ouais, ça se termine. Alors que moche et bon coup, bah du coup tu compenses un peu. Bah Toff qui s'est déjà tapé Sandro, qui s'est déjà tapé Toff, c'est un bon coup ou pas? C'est pas vrai. Et là t'es niqué, parce que quoi que tu répondes, tu l'as dans le cul. Ouais. Attends, mais parce qu'en fait j'ai pas suivi, j'étais au téléphone. De donc quoi, tu dis c'est pas vrai, alors que... Non, parce que j'ai entendu la fin, Toff s'est déjà tapé Sandro. Oui, voilà, c'est ça, alors est-ce que c'est un bon coup ou pas? Mais j'ai jamais couché avec Toff en fait. Bah arrête ton cinéma, t'as vu le rire que t'as fait tout de suite, arrête un peu. Mais arrête Mike, pourquoi tu veux balancer des doses comme ça? Polo, c'est vrai ou pas? Je sais pas, j'étais pas là. Non, moi j'avoue, j'ai dormi dans le même lit que Toff, mais séparé. Ah oui, séparé, parce qu'à chaque fois il fait une muraille au milieu. C'est ça, faut qu'on parle de la muraille de Polo, hein, qui est quasiment aussi haute que la muraille de Chine. D'ailleurs, oui, on va aller à Prague, on va à Prague à 3, voilà. J'annonce directement, moi je prends un lit tout seul. Et donc, moi je dors par terre. J'ai dormi plusieurs fois par terre pour pas dormir avec toi. À vous. Mais parce que tu veux pas, moi j'ai toujours été d'accord avec toi. J'ai jamais voulu. Ah bah oui. Après, c'est ton problème. C'est ça. Bah oui, c'est ça pour un problème, c'est un problème. Si Polo préfère dormir par terre, c'est le choix de Polo. Je préfère dormir par terre. Et Adrien, t'as déjà dormi avec des mecs toi? Ouais. T'as fait une muraille aussi comme Polo, c'est genre tu mets 150 coussins les uns à côté des autres pour faire un mur. Ouais, qui a pu avoir de place, hein, mais c'est ça, parce qu'il faut expliquer que Polo en fait, donc il appelle la réception, il commande des coussins mais genre un truc improbable, et après au milieu du lit, Donc il met ses coussins pour bien c'est faire vrai. La délimitation. Et donc quand on est dans un petit lit, tu vois, genre 1m40. Ouais, un lit double, mais voilà, dans un petit quoi. Et ben en fait, on dort tous les deux sur le bord, quoi. C'est ça. Avec une fesse dans le trou, quoi, dans le vide, quoi. Très pratique. Ah, il faut que je fasse cette muraille, je peux pas. Ah non. Je ne peux pas dormir avec un représentant du sexe masculin. Voilà, c'est ça. J'ai du mal à parler. Bon, et donc du coup, toi, donc Adrien, donc toi, tu l'as viré parce que t'avais une autre plus bonne, d'accord. Ok, il y a Kawet aussi sur le Twitter qui dit putain, le gros bâtard quittait sa meuf pour une plus jolie, très classe. Bah ouais, mais tu sais, alors je vais prendre un exemple. Toutes les meufs vont dire que je suis un connard, mais c'est vraiment juste par exemple. Si c'était toi, je prendrais pas les voitures. Alors, justement, donc si il y a un moment, alors prenons une marque sympa, bon BM, Merco ou Audi quoi. Ouais. Bon, alors imaginons, t'as insulté Michael, t'es conscient là. T'as une Audi A3 de 2001. Tu peux avoir celle de 2013. Bah, si t'as les moyens, tu jettes la première et tu prends la nouvelle. Non ? Bah oui, évidemment. Ah oui, bah c'est oui. Logique. Bah oui. Bah ouais, bien sûr. On est d'accord, Adrien. Mais après, bah ouais, bien sûr. Je parle même pas de changer de. Ils auraient fait pareil dans le sens, Ils auraient fait pareil aussi, hein. Ah mais attention, mais bien sûr. Attention, je dis pas que c'est que les mecs qui peuvent se permettre de faire ça, hein. Ah oui. Ouais. Mais en même temps, parfois, on est mieux dans sa vieille voiture. Bah oui, ah bon, c'est vrai, t'as tes habitudes. Moi j'ai mes vieilles crottes de nez sur le volant. Non mais c'est vrai, le coussin a pris la bonne forme de tes fesses, t'es plus à l'aise, tu la connais. Ouais, franchement, t'inquiète pas, moi j'adore faire connaissance avec des nouvelles voitures. Et tu vois, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Tu vois, quand tu la rayes, tu te dis c'est pas grave, de toute façon je l'ai déjà rayé de l'autre côté. Non, bah justement. C'est vrai. Non. Y a Iva aussi qui dit confidence, j'adore. Lucas qui dit j'ai dormi toute mon enfance avec mon cousin et encore maintenant quand je vais chez lui. Oh là là. Ah. Jessica qui dit voilà Tof qui se la ramène. Il y a pas que les moches qui sucent bien. Les préjugés à la noix, mais évidemment, encore heureux d'ailleurs. C'est pas un préjugé, c'est juste une expérience personnelle. Ouais, c'est ça. Et il y a des bonnes meufs qui sucent bien. Oula. Bah, encore heureux, mais t'as jamais essayé. Bah non, moi je. Il y a le principe qui dit j'adore les confidences de l'équipe. Il y a Marie qui dit mon copain dit que je le fais très bien. Tu me diras merci Tof. Bah de rien, écoute, j'ai pas compris, Marie. Je peux juger quand tu veux, Marie. Ouais, Marie, mon copain dit que je le fais bien, tu me diras merci, Tof. Bah peut-être qu'on a couché ensemble, Marie. Bah je sais pas, Marie. Rappelle-moi si j'ai oublié. Bah ouais. David qui dit mort de rire, Tof, du romantisme dans un plan cul. Et Mickaël, tu devrais essayer au moins une fois. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas le truc qui me branche le plus. C'est si ça tombe dessus, quoi. Oui, éventuellement, mais oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, je vais pas aller mendier. Ouais. Je vais pas aller pleurer. Ouais, m'en branle. Si je le fais jamais, je le ferai jamais, je m'en fous. Oui, c'est ça, tu vas pas mourir. Voilà, c'est pas un problème. Moi, un plan à deux, j'aimerais bien juste déjà. Oh, Jean, mais t'en fais là, putain, pour son anniversaire. Happy birthday to you. Voilà, happy birthday to you. Viens que je te fasse. Moi, je voudrais bien que ma meuf présente Sandro, quoi, ce serait cool. De quoi, Adrien ? Moi, je voudrais bien que ma meuf rencontre Sandro, quoi. Pourquoi ? Ouais, pour faire un plan à 3 et puis bam, je prends Sandro, quoi. Voilà, quoi. Ah mais attends, elle ressemble à quoi ta meuf, Adrien ? Non, je peux pas dire ça, parce que si elle écoute, je vais me faire tuer, mais je crois que Sandro, elle est quand même beaucoup plus jolie, quoi, en fait. Bah écoute, c'est pas grave, moi je veux bien récupérer ta meuf, alors. Hein. Oui, okay. Oui, combien mesure-t-elle ? Oui, quel est son tour de poitrine ? Elle fait du 95B. D comme Denise ? Des comme Denise. Ah ouais, ouais, donc elle doit être bien pour les... Moi j'aime bien. Ah, les bronzettes espagnoles aussi, quoi. Il y a moyen d'avoir la petite chanson, non ? Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Non, parce qu'on n'a pas fait la vérification. Voilà, j'ai pas fait le tour complet. Ah, il faut lui demander qu'elle appelle, alors. Ah bah, il faut demander qu'elle appelle, bah, évidemment. Elle s'appelle comment ? C'est quoi son prénom ? Pauline. Pauline, bah, Pauline, 01 42 48 5000, appelle-nous maintenant si tu nous écoutes là pour qu'on puisse voir. Si elle appelle pour dire qu'elle me plaque, ça serait trop cool. Ouais, voilà, et comme ça tu tomberas sur Sandro, tu pourras dire espèce de salope non, et après on passera à l'antenne. Voilà, ça peut être un très très très très très bon plan. Bon, Adrien, bah, reste avec nous, on aura Sophie aussi dans un instant. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Comment ça va Sophie ? Ça va, merci. Bon, bah très bien. Ah, ça y est, hop là. Alors, combien mesure Sophie ? Combien mesure Sophie ? 1m65. Combien pèse Sophie ? 53 kilos, c'est pas petit 1m65. Non, c'est bien 1m65. Ouais, avec les talons, ça fait 1m75. Ah ouais, ouais, 10 cm de talons, comment te dire hein. Ouais, mais une femme c'est avec des beaux talons. Ouais, une femme avec ah ouais, mais c'est très talons, beau. Ça, bon ça je dis pas le contraire. Alors, quel est ton tour de poitrine ? Faut que je réponde à ça ? Oui. Ah oui. Impérativement. Je peux dire ce que je veux en même temps, vous les voyez pas. Dis la vérité. Bah non, mais justement, dis la vérité, tant qu'à faire. 90B, c'est très bien, ça me convient très bien. Oui, non, mais tu sais, elle se justifie, c'est très bien, y a pas de problème. Mais oui, c'est parfait. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 36. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Un sans faux ce soir, hein. Ah oui. Ah bah ça fait plaisir. Ah bah ouais, attends, les auditrices de Fun Radio sont les plus bonnes de l'avant les FM. C'est vrai. En c'est même vrai. Temps, je peux faire 1m12 et 110 kilos. Oui, mais on compte sur, sur ta franchise, après on s'en fout, nous, dans l'idée. Oui. Hein. Voilà, voilà. Bon, Sophie, on va parler des plans 3 là dans un instant. Tout à fait. Bon bah reste avec nous Sophie, Adrien pareil, Jimmy pareil. Mehdi, t'as déjà testé les plans 3 ou pas toi? Ouais, même à 4, à 5. Ouais, c'est ça, il est marseillais lui, hein, donc en fait, t'es puceau, quoi. Mais seulement pour téléphone. Non, Sandro, elle en a parti, je suis fait, Bon, et Mehdi, qu'on va récupérer juste après le son de Calvin Harris avec Thinking About You. Et donc, qui nous avait appelé hier, Mehdi, parce qu'en fait, apparemment, t'avais téléphoné un téléphone rose quand t'étais petit. Et donc, t'as eu une note de ouf, et bah, tu t'es fait niquer par la meuf, en fait. Enfin, non, justement, tu t'es pas fait niquer par elle, puisque. Par ses parents, surtout. Ouais, par ses parents, mais. Elle est jamais venue, du coup je t'ai proposé ce soir d'appeler les téléphones roses aux frais de la radio. Comme ça tu payes rien quoi. Ah ben ça va. Et on t'a trouvé des putains de numéros. Et on t'a trouvé des super bons numéros. Ah ouais. Ah ouais, dont un service VIP, attention ça va arriver dans un instant Mehdi, reste avec nous, d'accord? Ah bah ça, je t'attends, vas-y. Bon, parfait. Bon, bah bouge pas de là, on va revenir avec toi, Mehdi. On va encore faire quelques appels également. Hein. Ah, cool. Très bien, et puis il y a un message qui dit « Mais il a raison, les moches baissent toujours mieux que les belles. N'importe quoi. » Non, j'ai jamais essayé de moche. Moi, j'ai jamais essayé de belle, donc je me rends pas compte. Voilà, ça se complète comme ça. Et il y a Marie qui dit « Non, Tof, ça n'est jamais arrivé. Comme il disait que les moches suçaient bien, je voulais que tu remercies Tof de ma part. » Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bah, le message est passé, Marie, pas de problème. Allez, soyez les bienvenus dans moins de... Bah, juste après Calvin Harris, je vous offre votre club de golf sur Fun. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No limites. Fun Radio. Nickel, No Limites. On Fun Radio. Et on est sur Fun Radio, exactement 1h23. Bienvenue, si vous arrivez, moi, chercher un plan 3 avec deux filles sans lendemain. C'est Sam qui envoie les messages, je suis de Vendée. Donne mon numéro à qui tu veux. Bah, et si vous êtes... Bah on va intéressé, donner à n'importe hein. Qui alors. Voilà, si vous êtes intéressé au standard, vous savez quoi faire. Elodie qui dit c'est pas parce qu'on est moche ou belle qu'on suce bien ou mal, rien à voir. Là c'est soit l'expérience ou on apprend vite. Bah oui, voilà, exactement, mais moi je suis d'accord avec toi Elodie. Mais c'est surtout au mec de dire ce qu'il a envie hein. Bah aussi, oui, c'est vrai. Et puis après il y a la découverte, hein. Il y a Thomas qui dit si je comprends bien, Tof est moche donc il suce bien. Exactement. Je suis le roi de la pique. Et Charline qui dit alors donc tu nous confonds vraiment avec des objets genre une bagnole, je peux me taper des nanas que je veux, mais je préfère une nana bien et intelligente qu'une bombe et une conne. Oui, mais alors attention, il y a quand même un truc que je dois dire, Charline, non, pas du tout. Il y a quand même un truc que je dois dire, je suis totalement contre les mythos qui disent oui, mais moi je préfère par exemple une fille intelligente mais pas terrible qu'une belle et conne. Alors. Pourquoi ? J'explique. Parce que à un moment, si tu as un choix, parce que le mec, oui, mais je préfère une meuf moche et intelligente, c'est faux. Si tu as un choix, tu as un panier. Imaginons que tu as 10 meufs devant toi, ça marche pour les mecs aussi évidemment dans le sens inverse. Imaginons que tu as 10 meufs devant toi, tu as que des bonnes. Enfin, t'as deux bonasses et 8 moches. Ouais. Bah, quel est le mec ? Quel est le mec qui va d'abord aller voir les moches ? Oui, il y a peut-être Tof, mais je veux dire. Quel est le mec qui va d'abord aller voir ? Il va d'abord aller voir la bonne. Une fois que la bonne, il va peut-être se rendre compte qu'elle est conne ou quoi. Il va peut-être se barrer. Ouais. Mais le premier choix, ce sera la bonne. Attends, c'est normal, mais c'est comme ça pour tout le monde, je pense. Et puis si la bonne est conne, tu te finis à la main. Bah, exactement. Voilà. Non, mais voilà. Après, tu pourras éventuellement rétrograder, façon de parler en termes de physique, à ton goût, hein. Parce qu'après, une fille ou un garçon beau ou moche, c'est subjectif, tu vois. Ouais, bah, y a des meufs bonnes qui sont moches pour d'autres et ainsi de suite. Nombre de fois où Polo me dit putain, regarde ce qu'elle est bonne. Je dis attends, vrai. T'es sérieux, on dirait un boudin. Après, c'est vrai que. Voilà, vrai. Bon, moi j'ai bon goût. Lui, moins, mais bon, voilà, c'est une question de. C'est normal. C'est une question de choix, quoi. C'est normal, Mickaël a meilleur goût que tout le monde. Évidemment. Et donc, du coup, voilà. Donc, en gros, c'était ça mon idée. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était mon coup de gueule. Et je l'ai dit, et c'est le principal. C'est l'histoire des voitures. Exactement. Et c'était évidemment une image. Hein. J'ai pas dit que je préférais des voitures aux meufs. Loin de là. Enfin, si on a une bonne Porsche, une Ferrari, ouais, après, faut voir. Non, mais je plaisante, je veux dire, après, voilà, ça me dérange pas, ça me pose pas de soucis dans l'absolu. Capital City, c'est ce qu'on va passer dans un instant sur Fun Radio. Je vous cale aussi Jessica Sanchez avec Tonight et Nio. T'aimes bien ça, Sophie, ou pas, toi, Capital City? Ouais, oui, ça va. Alors, tu peux me dire non, hein, si tu veux, ça me pose pas de problème. J'ai des préférences pour d'autres trucs, mais ça Qu'est-ce passe, que tu on préfères va dire. Qu'est-ce que tu préfères? C'est sur d'autres radios, vous allez râler. Vous les passez, je m'en fous, c'est quoi ton, c'est quoi le nom d'une chanson que t'aimes bien? Non, il y en a une que vous passez, c'est moi, ce que vous passez, c'est Fabo. Moi, je suis fan de Selena Gomez avec une copine de son ancienne, mais vous allez perdre trop d'auditeurs, c'est pas possible. Ah bon, c'est quoi l'ancienne? C'est Selena Gomez, je sais plus, là, celle qu'elle a fait. Love you like a love song, baby. Ah ouais, ouais, on va se mettre une balle, t'as raison. Bon, alors, oui. Effectivement, c'est peut-être pas le but. C'est prévenu. Non, c'est vrai, Sophie, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, mais avec attends. Ma copine, on danse sur les bars quand vous la mettez. Ah bah alors, si tu viens à la radio, je la mets. On est en plus sur un bar, là, c'est parfait. On pourra arranger le truc. Voilà, on arrive. Eh bah, pas de problème, Sophie. Bon, alors, avant de te parler... 5 minutes en plus. En plus, oui. Avant de te parler, on va d'abord appeler le gagnant ou la gagnante pour le club de golf. Là, c'est parti. Celui ou celle qui s'est inscrite sur le Facebook de l'émission. facebook.com/michaelofficiel en espérant que ça décroche. Et je rappelle le principe, on vous envoie un message privé pour vous demander votre numéro de téléphone, à vous de répondre. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais mais si on like, comment vous faites pour avoir le numéro? C'est que c'est de la triche. Ah bon, je vous connais hein. Allô. Allô. Allô. Allô. Je pense qu'il y a un problème avec le téléphone. Allô. Oui, ah très bien, apparemment non, ça va. Bonjour, comment tu t'appelles? Kelly. Kelly, c'est ça? Oui, c'est ça. Kelly, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ça va, Kelly? Oh mon dieu! T'as fait un like sur le Facebook, Kelly? Ouais, c'est ça. Eh ben, on va te filer ton, ton club de golf GTA 5. Je m'attendais plutôt à voir un mec pour les clubs de golf. Tu as joué pour le club de golf GTA 5, c'est pour toi, c'est pour ton mec, c'est pour qui? Bah, n'importe, pour moi, pour mon copain, c'est pareil. Bon, bah écoute, très bien. Bah voilà, le club de golf GTA 5, on va te l'offrir. Attention, pièce collector, ça vaut 200$, voire plus. La version de base non GTA 5 coûte 200$. Mais là, comme c'est un objet unique qui n'est pas dans le commerce, bah voilà, tu vas pouvoir l'avoir et ça vaut, bon, en tout cas, au moins 200$, hein, voire certainement beaucoup plus. Attention, Kelly, que je retrouve pas ce truc-là sur eBay, hein. Ouais, ouais. Parce que sinon je te l'achète, je viens le chercher, je te pète ta gueule. Bon, ça marche. Bon, ça va, merci beaucoup, franchement. Bah écoute, je t'en prie, Kelly, y a pas de souci. Bravo à toi en tout cas. Bah, les autres vont gueuler, hein, parce que vous avez été plus de 3000 à jouer. Donc bon, bah ils vont gueuler, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la règle. Hein. Il y en a, quand j'ai encore reçu un message, je dis ouais, quand je joue avec Fun, j'ai jamais de chance, je gagne jamais. Oui, je sais, j'ai le même problème au loto, comme je lui ai répondu, c'est de sont les choses qui arrivent. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah bon. Bon, bah bravo Kelly, en tout cas, tu restes au standard. T'habites où, au fait? J'habite à Bélesta, dans le 09. Dans le 09, oui. Alors évidemment, ouais. C'est pas à côté de la radio. Si ça n'était pas loin, on te l'aurait livré. Là, il va falloir attendre. On va te le mettre dans un colis demain, il va partir, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Bon, avec plaisir. Gros bisous, Kelly. Gros bisous, t'as ça. Je t'embrasse. Ciao, Kelly. Eh ben voilà, une bonne chose de faite, tiens. Et en parlant de bonne chose, Sophie. Oui. Bon, je dis pas que tu es la bonne chose, hein. Quoique, peut-être. Non, mais... Ouais, elle est bonne quand même, hein. Ouais, oui, elle a l'air, effectivement, ouais. Si on faisait un petit... De quoi? Je me suis bien vendue. Oui, tu t'es bien vendu, effectivement, ouais. Si on faisait quelques petits appels, est-ce que t'as entendu les moments où on a appelé tout à l'heure là pour que Toff puisse vendre de la pub sur son nouveau site internet? J'avoue que non, j'ai pas entendu, j'avais pas encore dit. Parce que le principe, en fait, c'est qu'aux États-Unis, c'est quoi l'histoire, Toff, rappelle-le peut-être. Donc c'est Eat24, le site, donc c'est un site de restauration. C'est une sorte de Allo Resto, ouais. En gros, donc tu peux choisir, tu peux passer des commandes sur Internet pour de la bouffe. Et des plats préparés. Et donc ils se sont rendus compte que la pub sur Facebook, sur Google et tous les sites normaux, bah ça marchait pas terrible, alors que sur les sites de cul, ça cartonne. Exactement. Voilà. Ah bon, c'est bizarre. Ouais, étonnant, hein. Et donc du coup, on propose à des chaînes de restaurants de faire de la publicité sur le site de Toff. D'accord. Donc on va appeler. Allez, c'est parti, on y va. Passons au premier coup de fil. C'est moi qui parle ? Non, toi t'attends. Je me débrouille. On t'en prend après, toi tu vas gérer. T'inquiète. Ne bouge pas de là, surtout Sophie. Alors, oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je m'occupe du site internet desalopedescochons.com. Oui, mais là, on est en plein service. Bah oui, mais justement, je voulais vous proposer de faire de la publicité sur notre site, monsieur. Oui, mais là, on est en plein service. Je peux pas rester très longtemps au téléphone. Bien sûr. Bah, prenez-moi de la pub tout de suite. Vous préférez quelle rubrique? Lesbienne ou anal? Excusez-moi, je vais vous... Rappelez-moi plus tard. Bah non, attendez, on n'a pas choisi... Non, mais monsieur, je vous dis, j'ai été correct. Je suis en service, donc n'hésitez pas. Bah moi aussi, je suis en service, monsieur. Mais vous me rappelez le matin, voilà. Ah non, monsieur, merci. Je vais pas vous rappeler demain matin. Alors, mais... merci. Allez, non, revoir. Pas merci, attendez. Merde. Il a raccroché, attends. Il est en plein service, il est remis, il est sérieux? Ouais, c'est ça, il doit avoir 4 commandes, le mec. Bah, c'est ça. Bon, attends, on rappelle. Allez, je pense qu'il se foutait de notre gueule, Sophie, hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense, attends, on rappelle. Ça va pas se passer comme ça. Alors, mais bonsoir. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Monsieur. Oui. Je vais être correct avec vous. Là, juste en service, je vais aller à la livraison. Je peux pas vous parler. Mais oui, mais justement. On est d'accord. N'insistez pas. Bah, sur désolé. Hein. Sur le chemin de la livraison, on peut négocier. Non. Bah, pas si. Du tout. Merci. Mais, allô. Allô. Merci. Mais non, au revoir. Bon, passez une bonne soirée. Mais je vous ai déjà dit pas merci, monsieur. On dira merci quand on aura fini. Eh ben, il a nouveau raccroché. On le rappelle. Ça se fait pas. On le rappelle pas. Encore un coup, Sophie. Bah oui, il faut pas lâcher comme ça. Bah c'est ça, attends, on lui propose de la pub pour faire fonctionner sa boutique. C'est ça. Mais monsieur, je vais vous dire une chose. Si j'ai votre numéro là, je vous insulte. Mais enfin, pourquoi vous voulez m'insulter, monsieur? Parce que là, depuis lors, je vous dis d'arrêter et vous continuez. Mais enfin, moi, je vous appelle parce que je veux vous vendre un peu de publicité, monsieur, sur notre site internet. Je m'en fous. Comment est-ce que vous dire? Si je vous rappelais et que je trouve votre numéro, là, je vous massacre. Mais pourquoi? Okay. Mais enfin, monsieur, pour de la publicité, vous voulez me massacrer? Voilà, hein? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été correct avec vous et vous continuez d'appeler. Mais oui, monsieur, parce que vous m'avez pas pris de publicité. Hein? J'avais pas envie. Mais bon. Deux. Voilà, c'est bon maintenant? Bah non, c'est pas bon, monsieur. Enfin, moi, je veux vous mettre dans une rubrique en plus où il y a plein de clics. Allô? Ah bah non, il est parti. Bon bah tant pis, il veut pas de la pub, il est con. Bah hein. Oui, c'est ça, moi je pourrais faire doubler son chiffre d'affaires, minimum. Bon, avant de reparler des plans à 3 avec Sophie, Adrien et Jimmy, vous êtes toujours là tout le monde là? Ouais. Bon parfait, on va d'abord récupérer Mehdi, l'ami Mehdi là de Marseille. Ah. Et oui. Allô. On avait promis à Mehdi hier qui est passé à l'antenne une petite séance de téléphone rose. Gratuit. Ouais. Gratuit Mehdi hein. Eh oui, enfin, c'est pas gratuit, c'est Fun qui paye, mais bon, c'est pour toi c'est pareil. Ah, ils sont blindés, donc on s'en fout. Bon, on y va, on l'appelle. Alors, tu préfères lequel sur les lignes, hein, 3, 4, 5 ou 7? De quoi? J'ai pas compris, en fait. Bah, tu préfères. Bah, on a calé des numéros de téléphone rose sur les lignes du standard, là. Il y a le 3, le 4, le 5 ou le 7. Tu prends lequel? Le 7. Le 7, allez c'est parti, tu as choisi le bon. Tu as choisi, alors j'en avais un service VIP, sans attente, baisse ta voisine au téléphone. Et alors celui que tu as choisi, c'est Cochon au téléphone. Tu as choisi le bon Mehdi. Allez c'est parti, on y va. Allez. Tu as envie de te caresser avec une hôtesse en duo et en direct? Tu as trouvé le réseau qu'il te faut. Ici, les dialogues durent le temps que tu veux. Les hôtesses n'ont qu'un but, te satisfaire. Blonde, brune, rousse, petite ou grosse poitrine, tu n'auras que l'embarras du choix. Ah, cool. Elles t'attendent toutes en tenue légère depuis chez elles. Pour utiliser ce service, tu dois être majeur. Indique-moi vite ton âge sur les touches de ton clavier téléphonique. C'est parti. Tu vas pénétrer dans le royaume du plaisir. Si tu souhaites vivre tes fantasmes en direct, tape vite sur la touche 1. Vous allez maintenant entendre la voix des personnes présentes sur le service. Alors on choisit laquelle alors? C'est dièse lorsque vous entendrez celle avec laquelle vous souhaitez être mise en relation. Vas-y, prends la première, on s'en fout. Ouais. Coucou, c'est Sophie. Non. Coucou, c'est Sophie. Non, pas elle. Rejoins-moi vite, je t'attends. Non, pas elle. Coucou, c'est Sophie. Ouais, bon, on va prendre Sophie. Dialoguer est déjà en conversation. Attendant de pouvoir dialoguer, te caresser, assouvir tous tes fantasmes, tu vas l'écouter. Lorsque tu seras en direct avec elle, pense à te présenter afin qu'elle puisse t'imaginer. À tout moment, tu peux revenir à la liste de nos hôtesses en tapant sur la touche étoile. Bon là, ça a déjà coûté 10 euros la radio. Hein. Ça fait bien bruit, non? Oui, allez. Donc là, on écoute la conversation d'un autre. Tu es très coquine. C'est amusant. J'adore les hommes. Il y a un téléphone de merde, en plus, on a toutes les chances. Là. La coquine, la maîtresse. Pédophile, le mec. Tout, moi. C'est pas tabou. Dans la mesure où je dis que c'est bien fait, il n'y a pas de soucis. Ah putain, il a un téléphone pourri quoi. Ouais, mais fais-toi donc, comme ça on en a un. Attends, on va prendre une autre. Vas-y, Mehdi, c'est à toi. Vous allez maintenant entendre la voix des personnes présentes sur le service. Tapez dièse lorsque vous entendrez celle avec laquelle vous souhaitez être mise en relation. Oh, attends. Salut, c'est Sophie. Ah, va te faire rejoins-moi vite, je t'attends. Coucou, c'est Sandro. Rejoins-moi vite. Coucou, c'est Sophie. Rejoins-moi vite, je t'attends. Coucou, beaucoup, c'est Sophie. Oh merde, il y a qu'une seule. C'est quoi, bon, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. En plus, il a un téléphone de merde. On va appeler Best Avoisine au téléphone. Voilà. On va plutôt appeler celui-là. Bonjour. Cet appel vous sera facturé après le bip sonore. 34 centimes d'euros par minute, plus un coût de communication à partir d'un mobile. Contactez le 3008. Pour ne pas écouter ce message lors d'un prochain appel, appuyez sur dièse. Je peux pas. Allez, vas-y. Oh yeah. Attention, ce numéro est strictement réservé aux adultes. T'inquiète. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez raccrocher immédiatement. Bah oui. Pour accéder à notre service, tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Merci. Maintenant, tapez votre âge. Voilà. Salut mon chéri. Salut. Oui, mon ami. Si tu as déjà fantasmé sur les nuits agitées de ta voisine, si ta bite durcit dès que tu repenses aux scènes les plus hardes des films porno que tu as vus, si tu as très envie d'entendre des femmes jouir et hurler de plaisir en te faisant enculer bien. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Tu serais de te faire sucer par deux filles à la fois. Sur leur visage. Alors installe-toi confortablement. Allez, Mehdi, installe-toi. Brasse ta braguette et sors ta grosse queue bien prête. Eh, mais c'est quoi ce service? Rade du monde. C'est Best ta voisine. Voici notre sommaire. Fais ton choix, mon chéri. Pour entendre un couple baiser en vrai, au téléphone, en vrai, c'est genre... tape 1. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Pour te régaler avec des histoires spéciales amateurs, d'étudiantes en chaleur et de femmes de 40 ans en manque, tape 2. 40 ans en manque. Pour entendre une fille se toucher en racontant ses fantasmes les plus cochons, tape 3. Pour faire un tour dans notre baisodrome, tape 4. Pour entendre la méga partout du siècle. On va dans le baisodrome ou pas? Oui. La méga partout du siècle. Salut mon chéri, bienvenue au baisodrome. Cool. Vider les couilles en écoutant des salopes se faire mettre par tous les trous. Mais c'est improbable. C'est un vrai vicieux. Et moi j'aime ça. Aujourd'hui, je te promets la totale. Partout. Écoute les bruitages derrière. En bande, sous d'eau bien profonde, pipe chuteuse, prends les tissus. Mais c'est pas possible. Mais comment des mecs peuvent appeler ça, quoi? On va bien s'entendre tout. Ah bah on va bien s'entendre, ouais. Et toi avec ta grosse queue bien dure. Dans le baisodrome, il y a 20 chambres numérotées de 10 à 30. Dans chaque chambre, ça hurle, ça mouille. Vous voyez, ça on l'entend, ouais. Et de quoi tu dis, Amélie? Quelle porte tu veux ouvrir pour... Ah, c'est Sandro qui fait les bruits, ouais. Derrière. Tape un chiffre entre 10 et 30 sur Allez. Ton clavier. Allez, on va aller au 13, Mehdi, à 13. Derrière cette porte se trouve John, un mec très bien. Ah, dommage, Mehdi. Comme la fois dans le compte Valérie, sa partenaire, il la déchire littéralement. Non, mais c'est relou, c'est que les histoires, je croyais qu'on allait parler à quelqu'un, moi. Ah, non, mais... Fais un autre. Attention. Attends, merde! J'ai raccroché à Jimmy, je suis trompé de ligne. Bon, attends, on en a encore un, attends une seconde. Bonjour, afin d'écourter. Ouais, on sait, putain, ça va coûter un bras à Max à la radio. Hein. Mehdi, il va falloir que tu fasses un petit virement PayPal. La question vous sera facturée 1,35€ par appel. Oh putain! 34 centimes d'euros par minute. Oh putain, il faut vraiment avoir envie. Hein. Ce réseau propose des dialogues de téléphone rose sans carte bleue avec des filles super chaudes. Elles ont entre 20 et 30 ans et sont pour la plupart étudiantes. Elles reçoivent des appels directement depuis leur domicile. Elles sont présentes tout au long de la journée pour réaliser tous tes fantasmes par téléphone. Pour accéder au sommaire, tu dois être majeur. Ouais, on a 18 ans, c'est bon. À ton âge, vas-y, tac, 18, c'est bon. C'est à toi. Oh, là. Tu peux également faire l'amour par téléphone en privé et par carte bleue à seulement 45 euros. Je croyais qu'il n'y avait pas de carte bleue. En appelant le 01. Ouais, c'est bon, ouais. Je pensais qu'il n'y avait pas de carte bleue ou que c'était les services sans carte. Note bien ce numéro super chaud, le 01. Ouais, relou, ouais, c'est bon, ouais. On va pas faire la pub du bordel non plus, là, quand même pas déconner. 27. Pour rejoindre tout de suite une fille en tête à tête pour un dialogue de téléphone rose super chaud, tape sur la touche 1. Voilà. Une des filles du réseau a accepté et validé ta demande de vidéo. Vas-y, Mehdi. Hein. Elle termine son dialogue en cours et sera à toi dans quelques instants. Ouais, dans 3 heures. En attendant ton tour, écoutons ce qu'elle fait. T'as un doigt dans le cul. Ouais, on va écouter. Ça y est. Vas-y, doigt dans le cul. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Un petit doigt de cul. Ouais, je me passe le cul. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Ouais, je me dois de cul. Doigt bien ton cul, salope. Oh, mais c'est... Mais... Oh, c'est scandaleux. Oh, c'est vulgaire. Mais je... heureusement qu'on a pris des téléphones roses, pas des téléphones X, tu vois, des trucs de cul, quoi. Eh ben, putain. Ah oui, il est violent, celui-là. Hein. Ah ouais, lui, il l'arrache. Lui, c'est une chambre rose. Hein. Ah ouais, ouais, il y a Jonathan qui dit, mais c'est quoi ce site, mort de rire? Benjamin qui dit, vous devriez faire ça tous les mercredis soirs, trop mort de rire. Ah ouais, le boss de fun, il va être content quand il va avoir la note du téléphone. Mais vous faites quoi le mercredi? Il s'est passé un truc. Il y a Lauriane qui dit, mais c'est dégueulasse. Mais je suis d'accord avec toi. Anto qui dit, putain, je suis mort de rire avec la ligne rose, j'en peux plus. Encore un peu de patience, hein. Ta demande de duo est bien acceptée, validée par Cécile. Ça va être à toi, Mehdi. Allez, vas-y, Mehdi. On va l'écouter en attendant ton tour. Hein. Ah ouais, non, ouais, d'accord. À mon vie, il met 30 ans. Bah alors. Allô? Oui, allô. Parfait. C'est parti. Bonjour. Oui, oui, mon amour, comment tu vas? Oh, c'est Ludivine. Oui. Hein? C'est pas Mehdi qui parle, il y a un autre mec. Hein. Ouais. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. 60 kilos. Brune, les yeux marron vert, 95 E de tour de poitrine et je suis entièrement épilée. Oui. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce qu'il va proposer? Qu'est-ce que tu veux? La fague. Excite-moi. Oh, bah, attends, je vais venir me glisser entre tes jambes là. Comment? Je me glisse entre tes jambes là. C'est pas vrai, elle est chez elle et puis C'est bien Mehdi, t'as compris le principe du téléphone rose. Elle a très de regarder M6 là, t'as vu, elle s'en bat les couilles du mec. Ouais c'est ça, elle est en train de regarder Bébé à tout prix sur M6. Parce qu'il faut quand même savoir que Mehdi hier nous a appelé en disant ouais moi il y a une meuf, j'ai appelé le téléphone rose, elle a dit qu'elle veut me sucer, elle est jamais venue. Hein. Ou t'es, il lui disait. Ouais, t'es, ouais. Où t'es, Il y a qui dit, l'autre qui se doit dans le cul, mon dieu, je me suis étouffé. En tout cas, je suis explosé de rire en écoutant Mickaël, la gros dégâts sur la ligne rose. Eminem qui dit faire l'amour au téléphone, mort de rire. Ah ouais, c'est un concept. Hein. Il y a Puta et Namoine qui dit une tuerie, Mickaël, mort de rire. Lauriane qui dit c'est dégueulasse, c'est vrai. De quoi? Tu portes un petit slip. Ah, si j'ai un string, je vais avoir du mal. J'ai pas entendu. Et l'autre, il a un problème avec sa voix. Mais en plus, il a aussi. En plus, tu m'as demandé quelle couleur il était. En plus, elle se fout de sa gueule. C'était noir. Non, mais elle a, ouais. Il a une voix, mais. De merde. Il fait peur. Ah, c'est clair, il fait peur. Ah ouais? Bah, tu prenais quelle voix, Mehdi, toi? Ah ouais, tu prenais quelle voix? Attends, on va voir. Tu faisais comment? Moi, j'arrivais, je te baisse comme King Kong. Oh, ouais, comme King Kong. Oh là là, écoutez-le, le Marseillais, là, c'est qui en fait 3 tonnes. Eh, Sophie, t'as déjà essayé, toi, les lignes roses? Bah, y'a pas de lignes roses pour les filles. Si, qu'est-ce que tu crois? Eh oui, un petit doigt dans la lune, ça. Pour entendre un mec me dire des cochonneries, y'a pas besoin de faire des lignes roses, hein. Tu veux qu'on en appelle un, Sophie? Bah oui, pour le délire, pourquoi pas. Bah oui, très bien, parfait. Bah alors si je flippe, je raccroche, hein. Oui, alors oui, t'inquiète pas, Sophie. Attends, on va essayer de faire avec une ligne rose. Oui. Je savais pas que ça existait version fille. Attends, oui, on va essayer. Oui. Attends, on va essayer d'appeler. Je suis là, je suis entre tes jambes. Ah bah tant mieux. Je sens la bonne odeur de la mouille. Eh bah nous voilà rassurés. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est que le mec il risque de vraiment se toucher par contre de l'autre côté, pas être en train de regarder M6. Ouais, ça. Ouais, il y a des chances, ouais. Mais attends, c'est nous encore qui une le fois. Mec, attends, on en essaiera d'autres. Attends, j'ai arrêté parce que l'autre. On va vous mettre en relation en 30 secondes. Oui, c'est ça, et t'as raison. Il y a un message qui dit à Léa qui dit bébé à tout prix, des barres de rire. Oui, c'est ça. Cyril qui dit délire, il y en a qui payent pour cette merde. Mais c'est ça le pire, c'est un truc de ouf. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est clair. Je préfère pleurer dans une Ferrari que me fendre la gueule dans une deux chevaux avec les femmes. C'est pareil, c'est Bruno Dumont qui avait envoyé le message. Et Sofiane qui dit putain, ils sont complètement fous. Lucas qui dit ça m'a tué le mec, il veut bien, mais il est en service, alors il peut pas répondre s'il préfère un anal ou lesbienne. Ah, j'ai même pas entendu ça. T'as été plus attentif que nous. Encore Lucas qui dit les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Et puis Megumi qui dit Mickaël, pas besoin de ligne rose, ta voix nous suffit. Ouais, mais je ne dis pas la même chose pour le coup. Et puis un message de Megumi qui va t'intéresser, toi, tiens. Ah. Ah, moi, je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, j'ai pas le truc qui fait vomir. Genre, je peux mettre une banane entière sans vomir. Ah, Sandra, tu parles pas ? Non, Sandro, elle est choquée. Oui, elle est choquée, oui. Voilà, elle est complètement choquée. Ah, attention, c'est mon petit bébé, Sandra. Oh, rien, ok, elle a de la chance, hein. Ouais, surtout que j'ai plus de 10 ans de... j'ai 10 ans de plus. Ah, on va dire l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Exactement, et le cul non plus, hein. Ah, non plus. Ah, le cul non plus. Tout ce qui est trop au niveau de dingue. Oui, Mehdi. Je comprends rien à ce que tu dis, Mehdi, avec ton accent. Mais quoi, c'est ça? Non, ah, il comprend pas avec ton accent, Mehdi, Polo, quand il met, tu sais, il est parisien. Oui, ça s'entend. Ah, il a rien dit, c'est bien, c'est bien. Bon, Sophie, reste avec nous. Adrien, reste avec nous également. On va revenir avec vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio. Et on va se faire le son de Capital Cities maintenant sur Fun Radio. 2h15 du mat, on est en direct. C'est Mickaël Delimitch qui a 2h. Prévenez vos potes qu'on est en direct sur Fun Radio. Tous les soirs, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat. Et tous les dimanches soirs en direct également, de 20h à minuit sur Fun Radio. Bonne nuit avec Fun. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Et tous les messages qui arrivent, et Dieu sait qu'il y en a. Jean-Bernard qui dit, vous me faites trop bouffer de rire. Noël aussi qui dit, Rose FM, Mickaël officiel, mort de rire. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu ça. Lucas qui a aussi dit, le mec qui fait le mendiant pour baiser. Mais putain, c'est vrai que les mecs, ils sont quand même bien attaqués à certains moments. Hein. Arkil aussi qui dit, je peux avoir mon message de bienvenue là, je vous adore, dédicace au collège. Joliot Curie, oui, le message de bienvenue avec grand plaisir. Tu me dégoûtes, est-ce que tu comprends, tu me dégoûtes. Voilà, tu as qu'à demander à Valentin. Pourquoi? Et alors Cyril aussi qui dit, salut l'équipe, je viens de poser le pied à l'aéroport de Toulouse et quel plaisir de vous écouter, que du bonheur de voir deux filles se brouter le minou. Moi je kiffe. Bah oui, comme tout le monde, je pense un minimum en tout cas. Mais t'imagines, le mec il appelle quand même un téléphone rose pour être discret, et le mec s'il savait qu'il était diffusé à la radio. C'est chaud. T'imagines, il y a sa meuf qui reconnaît sa voix, le bordel qu'on a foutu ce soir là, si jamais c'est le cas. Oh, il y a peu de chance. Mais bon, on sait jamais. Bon, alors, dans un instant, on fera le top tweetos également sur Fun Radio. Et on va aussi récupérer Sophie, Adrien et Jimmy. Jimmy qui nous avait appelé parce qu'il avait eu l'occasion de faire un plan à 3. Adrien qui nous avait appelé parce que lui aussi avait eu l'occasion de faire un plan à 3. Même d'ailleurs un tellement bon plan à 3 que sa copine qui lui avait offert ça pour son anniversaire lui a proposé de faire ça avec une amie à elle qui était vachement plus bonne. Et donc du coup, Adrien a dégagé la première pour garder la meilleure. C'est ça, hein, Adrien ? C'est ça, parfait. Très bien. Et Sophie, toi, on en est où au niveau du plan 3, alors ? Bah, écoutez, j'attends. Eh ben, je suis là, moi. Ah, mais attends, tu attends, parce que je me souviens plus, on avait déjà parlé ? Non, justement. Ah, oui, voilà, c'est ça, tout était open pour en faire un. Ah, non, moi, j'ai déjà fait. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu dis « moi, j'attends ». J'attends pour en parler ? Eh ben, vas-y, on est là, Sophie, là. Nous n'attendons que ça. Ah, ben oui. Voilà, nous buvons tes paroles. Vous buvez les paroles ? Oui. Vous voulez savoir quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est ton mec qui a mendié ? Est-ce que c'est toi qui a proposé ? Est-ce que t'as fait la même connerie que la meuf d'Adrien, c'est-à-dire lui faire ça pour un anniversaire, et non, après ton mec qui se barre avec un autre ? Non, moi déjà, la règle d'or que je conseillerais pour un plan à trois, c'est déjà d'être la troisième, et pas être le couple. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est le meilleur truc, hein. Ouais, voilà, c'est vrai. Parce que, voilà, moi, j'étais la troisième, et... Moi, je lui propose d'être la troisième, hein. De quoi Moi, je veux bien que Sophie soit la troisième dans mon couple, hein, y a pas de problème. En plus, elle a une belle voix et tout. Eh ouais, mais moi, j'ai déjà fait, j'ai pas envie de faire la même chose. Ah bah alors, tu veux faire quoi, Sophie ? Moi, ce serait juste avec une fille, pour changer, justement. Mais ça, c'est un peu... Mais Toff peut se déguiser en drag queen. Bien sûr, moi, je peux devenir la fille d'une soirée. Toffette. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit hyper crédible, quoi. Bon, épilé, je suis sûr que ça passe. Ouais, mais vraiment... Si ça passe, c'est plutôt avec Sandro, pour toi. Ouais, ah, tu préfères Sandro, Sophie ? Sandro, le prénom, ça bloque un peu quand même. Hein. Je suis portugais avec des poils de partout. Oui, on peut voir les choses comme ça. Sophie, tu vas immédiatement te calmer avec les portugais. Je suis moi-même portugais, je ne suis pas non plus super poilu. Non. Mais t'es sérieux ou quoi ? De la communauté portugaise. De quoi, Sophie ? Je m'excuse auprès de la communauté portugaise. Eh bien, très bien. Sinon, j'aurais dû porter plainte contre toi pour racisme. Oui, je suis désolée, je ne le ferai plus. Très bien, parfait. Tout ce que tu mérites, c'est un coup de pelle. Voilà. D'accord. Un coup de lance-flamme. Et un coup de lance-flamme. Ah, ça va, lance-flamme. pour les poils, c'est pratique. Mon gars. C'est drôle ça. C'est drôle ça, Sophie. Bon, bah, mais en même temps, tu dois pas trouver, tu dois pas avoir non plus super compliqué pour réaliser. Ah, bah, les filles ont toujours plus facile de réaliser leurs fantasmes. Hein. Ouais, mais alors draguer un mec, autant j'ai l'habitude d'autant draguer une fille, c'est pas évident. Là, quoi. Oh. Il faut que t'ailles dans les soirées spécialisées. Ouais. Ah mais là les soirées spécialisées c'est toutes des camionneuses. Bah non c'est pas vrai, j'y suis allée c'est. Non, non mais parce que Sandro va dans des soirées spécialisées. Non non j'étais avec Toff quand j'y suis allée. Il m'a traîné là-bas. Ouais, et franchement il y avait plein de bombes. Et oui bah oui c'est ah, ça. Oui. Il y avait ouais, des mais le problème Toff c'est qu'elle préfère les femmes qui aiment les femmes. Non alors justement c'est ça qui est énorme dans les soirées gays. Bon je le dis bon tant pis je le dis. En fait. Ouais, il vient de tuer son marché là. Ouais je viens de tuer mon marché mais c'est pas grave tant pis. En gros quand tu vas dans les soirées gays bon après quand t'es un mec c'est un peu dur quand même parce que faut pouvoir supporter de se faire draguer par des mecs. Bah forcément ouais. Là-dedans, il y a plein de meufs qui viennent parce qu'elles savent qu'il n'y a aucun mec qui va leur prendre la tête, sauf moi. Voilà, sauf moi et tous les autres. Et tous les autres maintenant qui vont aller dans les soirées gays, justement. Ouais, c'est vrai. Mais en gros, enfin, il y a encore de ça 2-3 ans, quand j'allais dans les soirées gays, c'était hyper facile de faire des meufs parce que, un, elles sont hyper ouvertes, elles se disent « Ah oui, mais il est gay, je vais discuter avec lui. » Et puis au final, bah, « Ah ben, bah, je suis pas vraiment gay. Ah bon, mais c'est pas grave, je t'ai trouvé sympa, allez, viens. » Ouais, hop, c'est parti. Ouais. Et hop, une petite pipe dans la voiture. Oui, plus affinité. Ouais, ah bah bien sûr, mais enfin on commence par le début, bien entendu. Ouais. Bon, et donc du coup, mais Sophie, t'inquiète pas, hein, maintenant que t'es passé à l'antenne, il y en a plein qui vont vouloir, hein, toutes les filles qui aiment les filles. Oui, non, mais c'est partout, il faut faire le tri après, c'est pareil. Hein. Bah, il faut faire le tri, ouais. Attends, et pour l'instant, franchement, d'après ce qu'on a pu voir, quasiment toutes les auditrices de fun sont bonnes. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup l'auditrice de fun. Bah, ah bah oui. Attends, d'après les chiffres et les lettres qu'on fait à toutes les meufs qui passent à l'antenne, je peux dire qu'on est quand même. Sur la confiance, les gens. Bah non mais après il y en a qui doivent certainement mitonner et puis il y en a qui mitonnent pas hein, comme toutes hein. D'accord. Nous on fait confiance aux gens. Voilà. C'est très bien. On part du principe qu'il n'y a pas de raison qu'on nous mente. Toi au final c'est de la radio, on verra jamais ou il n'y a pas de chance. D'accord. Tu vois je note dans un coin de ma tête. Et puis c'est nous on est. Ouais et puis nous on est des mecs, on est des cons, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous dit ça, nous on va prendre par un content. Hein. Ah bah dès qu'on vous dit qu'une fille elle est bonne, de toute façon vous buvez ses paroles. Ah bah bien sûr, bien sûr. Évidemment, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que directement t'as les fantasmes, tu projettes plein d'histoires, enfin bref. Et puis il y a Jonathan qui dit je suis tellement fan de Mickaël Nolimit que j'ai créé une page Facebook fan de Mickaël Nolimit. Bah c'est gentil Jonathan. Et moi je te baisse comme King Kong, j'ai explosé de rire et ça a réveillé toute ma maison, c'est Loïc qui avait envoyé le message. Ouais mais ça c'est à cause de Mehdi ça hein. Mais c'est dangereux le plan 3. Pourquoi? Parce qu'écoute, si c'est deux copines. Ils veulent te niquer, ils te mettent dans le lit, ils t'attachent, ils te prennent en photo et te mettent sur Facebook. Oh le parano. Dis donc C'est vrai, faut calculer. Arrête Mehdi, arrête. Il est marseillais lui. Ah, bah, oui. C'est ce que dit un mec qui l'a jamais fait ça. Bah pas, ça dépend, mais tu sais c'est comme les mecs tu vois qui... J'ai avec mon collègue, on avait niqué une fille. Ouais, quoi, genre t'avais mis des caméras. Ouais, il avait mis... tu as vu, il y avait une armoire en face. Ouais. Il avait mis... On a j'avais le GoPro là. Un film de boule. J'avais le GoPro. C'est le moment mytho de Mehdi. Ouais. Ah ben, je te jure que c'est vrai. Si je retrouve la vidéo, avec plaisir. Eh ben, très bien. Comme preuve, comme pièce à conviction. Voilà. Puis nous, on la mettra sur YouPorn pour se faire un peu de tout. Ah ouais, complètement. Ouais. Non, mais tu vois, c'est de la parano comme les mecs ou les meufs qui ont jamais trompé leur mec et qui ont peut-être tendance à vouloir le faire, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont toujours peur de dire avec mon bol, je vais tomber sur quelqu'un qui connaît et au final, je vais me faire niquer. Enfin, tu vois, genre, il va y avoir une enfume, etc., etc. Et donc, ouais, du coup, bah, tu te dis bon, finalement, je vais pas le faire. Et au moins t'es tranquille, mais c'est vrai que ça arrive dans tous les gens qui sont parano. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, il faut vraiment être en chien pour acheter le téléphone rose. Hein. Parce que ça te coûte un bras et c'est quand même bien chiant. Hein. Ouais, tu me coûtes qu'il y a pris 40 ans, moi. Franchement, ouais. Bon, bah, Mehdi. Ouais. Bon, on te rappelle quand tu veux, Mehdi. Hein. Ah, ben ça va, vas-y. Allez, bah, non, c'est toi, pas de problème. Bon, ça marche. Salut, Mehdi. Ah ben ça va, allez. Allez, ciao. Salut Mehdi, salut Jimmy, salut Adrien, merci à vous d'avoir appelé. Salut. Ah, je peux faire une petite dédicace. Vas-y Jimmy, à une seule personne, hein, tu connais la règle. Oh, s'il te plaît. Non, une personne Jimmy, il faut choisir la bonne. Mais dédicace à ma baleine, mon petit David. Très bien, on embrasse la baleine. Ouais, je peux vous laisser un message. Vas-y Adrien. Ouais, c'était juste pour Toff, en fait, exceptionnellement pour son anniversaire, je l'autorisais à venir se branler chez moi. Voilà. Eh ben écoute, avec plaisir, j'arrive. Je prends la mobilette et j'arrive. Quelle gentillesse. C'est trop sympa, franchement. C'est magnifique, la mobilette démarre. Ah je l'entends, elle arrive. J'entends. Eh ben voilà, heureusement, ouais. Bon, bon, salut Adrien. Salut, bisous, ciao, ciao. Et à bientôt, Sophie aussi, je te fais des gros bisous. À bientôt. J'ai le droit de faire une dédicace aussi ? Bien sûr, à une personne, comme tout le monde. À une personne ? Oui, faut choisir la bonne. Eh ben, en fait, elle a un nom composé, c'est... Yanos, tête d'obus et ma copine Lucia. T'es en train de te foutre de ma gueule, Sophie. Hein. Alors que tu vois que. Alors qu'il y a plein de filles qui essayaient de prendre contact avec toi, là. Dommage. Ouais. Je vais me débrouiller toute seule. Bah ouais, là, ouais. Là. Ah ouais. Désolée, je m'excuse. Ah ouais, tout ce que tu mérites, c'est un deuxième coup de pèse dans la gueule. Voilà. Voilà. Dans les deux endroits et je vais me coucher. Voilà. Et même Tof qui va lever la jambe. Ah, voilà. Tu avais mérité, Sophie. C'est tout ce que tu as mérité. Toujours. Bon, salut, Sophie. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi aussi, à bientôt, ciao. Au revoir, merci. Bon, et il y a le Top Tweetos également là maintenant. Ça va mettre le générique, bien entendu, d'ici quelques instants. Le Top Tweetos, ce sont les meilleurs auditeurs, les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission, avec le hashtag MIKL. Que se passe-t-il, Top Bah, attendez, parce que je crois qu'il y a une petite erreur. C'est-à-dire Permettez-moi de vérifier. Parce que... Ah oui, tout à fait, il y a une petite erreur dans la machine. Ah, très bien, mais ouais. Pas sur le classement quand même. Si, si, c'est pour ça, attendez, il faut que je recommence. Oh merde, putain, on est pas arrivé alors. Tiens, il y a un message Da Silva aussi sur le Twitter qui dit Mickaël, s'il te plaît, donne-moi un coup de pelle. Ça fait trois jours que j'en rêve. Oh, bah écoute, alors, fallait demander plus tôt. Voilà Da Silva, j'en mets même deux, tiens. Allez hop, c'est plié. Et au place qui dit j'en connais qui ont attaché le mec et se sont barrés. Oh ça c'est chaud. Ah ouais putain, ça c'est quand même dégueulasse. Hein. Et Oliana aussi qui dit j'adore votre émission, vous me faites mourir de rire, j'aimerais bien discuter avec vous. Et Sandro, Girl Power. Ah bah c'est la phrase préférée de Polo ça, Girl Power. Ah non pas du tout. Il adore. Je suis contre ça. Girl Power. Je vous emmerde. Bon bah tu appelles quand tu veux, il n'y a pas de problème. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 tout simplement. Bon alors au niveau du... Voilà c'est réparé. Du Top Tweetos, parfait, 2h pile, tiens, magnifique, on y va. Quel est le numéro 5? Ben voilà, ça, c'est plus logique. Numéro 5. Alors, numéro 5, c'est Nadia 90 27 89 43. Et c'est son numéro de portable ou... Je sais pas. Numéro 4, c'est une nouvelle en tout cas. Ouais. Je pense pas l'avoir déjà entendu. C'est la première fois, ouais. Très bien, bienvenue. Mr. Steven. Mr. Steven, numéro 4. Numéro 3. Cheva GTR. Cheva GTR, numéro 2. Oh la vache. Alors, Black Star Bravo 9. Black Star Bravo 9, bravo à toi. Black Star Bravo 9, numéro 2. The number one. Let's be free. Let's be free. J'avais combien de tweets d'avance? Elle en avait 60 il y a une heure et demie sur le deuxième. Ça fait 58. Elle a un peu régressé, mais bon, pas de grand chose. Hein, mais non, bon, un petit peu quand même. Elle a vraiment Let's be free. Elle avait foiré lundi, si mes souvenirs sont bons. Dimanche. Ah ouais? Dimanche, elle est revenue lundi. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Bah, ça fait deux fois qu'elle rase le dimanche. Donc bah en gros il y a plus de chances d'être de choper la place le dimanche, a priori en tout cas. En tout cas on remet le couvert demain. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses ce soir évidemment à tweeter, à envoyer vos messages sur le Facebook. On salue également tous les nouveaux. Je rappelle que si vous me faites un follow sur le Twitter avec Mickaël officiel, hein, vous tapez Mickaël officiel, si vous me faites un follow, et eh bien je vous follow également. Comme Oliana qui vient d'envoyer un message. Elle va te plaire Polo, la nouvelle qui vient d'arriver, Oliana. Ah oui, elle est bien. Lilou également qui vient de débarquer, bah bienvenue à toi, je te fais un petit follow avec plaisir. Il y a le Tordu qui a envoyé un message, il y a le Colonel Moutarde également, un étranger à Albi, il y a John, Virgile, Charles, Léa, David et tous les autres qui ont débarqué ce soir. Merci à vous en tout cas d'être passé. Et puis bah sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Continuez bien sûr à venir nombreux et nombreuses. Générique, attention, musique. Mesdames et messieurs, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as te suis, c'est pas l'enculé. T'es un enculé, tant que le temps, non, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encule ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a 33 ans. Enculé, quoi, là? Ferme ta gueule, gros bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Toi l'enculé, l'enculé. Non mais calme-toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu manques des vite, si c'est toi l'enculé. Sale con. Tellement ça te fait enculer. Toi ton nom, c'est l'enculé. Oui, tous les deux. Sale con. On est des enculés. Six semaines. ma bite. Merci, eh ben Lilou. Voilà, merci Lilou, encore une fois d'être passé comme d'habitude. En speed. Eh ben exactement, ouais. Merci à vous tous, en tout cas, bravo encore à Kelly qui a chopé son club de golf spécial GTA 5 qu'on avait mis en jeu. On va l'envoyer et puis comme ça fera plaisir à ceux qui pensent qu'on n'envoie pas les cadeaux, elle se fera une photo avec le club de golf. Voilà, comme ça. Ouais. Et après, elle pourra faire d'autres trucs, mais enfin bon. Ouais, après, elle fera d'autres trucs. Mais les connaissants, il y a encore, c'est des aigris, ils vont encore dire. Ouais, mais en fait, c'est pas vrai, c'est une fake, la photo du club. C'est du montage. Enfin bref, on n'arrivera jamais de toute façon à ravir tout le monde. Exactement. La théorie du complot. Allez, bonne nuit tout le monde, rencard demain 23h. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et puis il y a JB là qui est là aussi, en pleine forme. Hein. Ça va, excellent. Bah oui, j'ai presque oublié. Okay. Ça va ou quoi? Excellent, excellent. Bah t'es là depuis tôt aujourd'hui, là, on t'a vu dans les couloirs à 19h. Ouais, j'avais rendez-vous avec la direction. Ah, il s'est fait remonter les bretelles. Non, bon, faut qu'on respecte la prog, les gars, maintenant, au niveau de la musique. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la prog? Ils ont écouté tous nos passages d'antenne depuis 15 jours. Et hier, il y avait Eiffel 65. Et non, hier, c'était Gala. Ouais, c'était Gala. Parce que je l'ai dit à Lucas qui t'a remonté les bretelles, je lui ai dit non, tu t'es trompé. Non. C'était pas Eiffel 65 hier. C'était Gala. Mais il avait écouté Eiffel 65, j'étais avec lui dans le bureau, il est devenu blanc. Il a fait... Bon, il est déjà pas très bronze à la base. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc là, on va mettre Britney Spears, un super titre. Et, ouais. Très bien. Parce que pourtant, tu m'as quand même demandé en antenne, tu m'as dit écoute, moi j'en ai rien à branler de ce qu'il m'a raconté le mec. Moi je vais écouter un autre morceau parce que je m'en fous complètement, mais j'aimerais bien à l'antenne faire semblant que. Moi je me suis dit écoute, ça se fait pas. C'est un rebelle, JB, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça se fait pas. Ouais. Et puis il m'a dit ouais, j'en ai rien à foutre, je suis un rebelle, mais tu comprends. Je dis bon, ok, d'accord, si tu veux. En mettant Jessica Sanchez. Non, mais ça, ça va. Voilà. Ça, c'est comment ça va pas? Non, si, ça va, c'est dans la playlist. Bon, c'est pas en prog, mais c'est dans. C'est pas mal. C'est pas mal. Tonight? Oh, pauvre JB. Tonight t'es viré? Non.